Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à l'anus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Willkommen. Bienvenue dans ce nouvel apéro original. Nouvel apéro original 6.2. Apéro original, c'est le podcast du patriarcat autour de la table, pas un, pas deux, mais trois, six blancs hétéros. Ce sont des privilégiés, ce sont des geeks, ils sont blancs, ils font du podcast audio, ce sont des clichés, ce sont des FDP, ce sont des putains de malandrins de fils de pute de ta mère. Le maître de maison, il est blanc, il est cis, il est hétéro, c'est forcément un privilégié. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, ça, je sais pas. Coucou, c'est moi. Tu te bases sur des suppositions. Sur des suppositions. Il a un Twitter. Il ne participe pas au shitstorm parce qu'il fait partie du patriarcat. C'est top, privilégié. C'est top, bien évidemment. Et après, à côté de moi encore, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? C'est Asto. Asto 80. 80 comme le Tarn. Le Tarn dans la France. France privilégié. Salut. Le tiers-monde, fuck le tiers-monde. Et après Gandalf 80, Gandalf 80, tout pareil, le terme. Mais en plus, il aime enculer les gens. C'est un truc de privilégié. C'est un truc de blanc. C'est un truc de blanc. Et voilà, c'était mon intro d'altrologie. Ok, mon match, je pars. Je me désolide de ce podcast. Voilà, c'était mon intro parce que j'en avais marre des shitstorms sur Twitter, des gens qui crient pour oui et qui crient surtout pour non. Et qui crient tout court. Qui crient tout court. À qui mettra le caps lock le plus fort. Donc voilà, c'était tout. Donc voilà, bon, donc bienvenue encore une fois dans cet apéro original, donc l'apéro de la bonne humeur, c'est surtout ça. Du dossier d'ontologie et du savourage de bière, donc à savoir si c'est bon ou si c'est beau. Voilà. En tout cas, nous on aime. En tout cas, nous on aime, voilà. On est toujours dans cette veine-là. Donc, pour ma part, voilà, donc c'est présenté par G81, l'auteur indiscutable du meilleur podcast rivistique, à savoir 15 bras, 15 jambes. 15 bras, 15 jambes. Pardon, t'avais combien de votes au dernier podcast Podward Award? Alors, j'en avais plus que Apéro Original parce qu'on était moins dans notre catégorie. Et ça, c'est fou. Et j'ai failli niquer Tchik Tchak. Et ils sont plus nombreux. Donc, par vote, c'est moi qui en ai eu plus. Voilà, donc forcément, voilà. Et oui, d'ailleurs, on remercie les gens de ne pas avoir voté pour nous, d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas dit là. On remercie. On l'a dit en introduction d'avant. Avant qu'il y ait les votes, qu'on a dit qu'on avait perdu. Parce que... Mais bon, maintenant qu'on a vraiment eu les votes, on peut dire aux 84 votants, mais qu'est-ce que. Pourquoi? Non, merci. Merci d'avoir voté pour nous. On ne sait pas pourquoi, mais merci. Non, mais ça nous fait pas plaisir. C'est comme les gens qui nous écoutent, ça nous fait pas plaisir. Ils nous écoutent. Si, ils sont gentils, c'est les meilleurs auditeurs du monde. Il y en a même des gens qui nous demandent. Alors du coup, je remercie ma mère qui écoute, mon père qui écoute, ma soeur qui écoute. Elle fait F5 sur A, pardon, merde, excusez-moi. Est-ce que pour ta santé mentale, ils se posent des questions ou pas? Ah non, non, mais ils écoutent pas, font juste F5 pour... Ils cliquent sur le lien, et ils ferment. F4. C'est bon, j'ai fait 20 écouteurs. C'est bon. Donc, nous allons commencer toujours cet apéro, donc entre nos dossiers. Oh, Mais Podren s'est passé. Non. Alors, Podradio. Bah si, Podradio, on est toujours diffusé sur Podradio. Bah non, justement. J'ai pas fait. Non, ça n'était pas dans le conducteur. Donc, pour Podren 2017, peut-être. Je sais pas, il faut encore si des résultats. Peut-être s'il faut, il y a eu des gens qui se sont violés. Il y a eu du. Non, je viens pas, c'est bon. Il y a eu des meurtres. Ah non, je viens pas, donc ça c'est bon. Tu veux tuer qui ? C'est bon. Il y a eu du rire. Mais je peux tuer quelqu'un avec ma quéquette. Il y a eu du rire. Oui, mais non, c'est bon, on va pas dire à chaque fois que c'est explicite parce que t'es là, c'est bon, merde. Il y a eu du rire et de la galette saucisse. Hein. Voilà. Un peu comme le Stunfest, mais pas pareil. Mais en mieux. En mieux, voilà. Mais sonnez comme ça. Donc voilà. Donc du dossier. Voilà. Non, ah oui, voilà. Donc on peut nous écouter sur Pod Radio, mais si vous nous écoutez déjà, vous avez peut-être pas besoin d'y aller. Mais si vous êtes sur Pod Radio, vous pouvez nous écouter sur Pod Radio. Restez. Restez à une heure indéterminée. Je suis sûr, le podcast après nous, c'est super bien. Avant nous aussi, je c'était, pense. Je savais même que c'était encore mieux. Mais c'est pas grave si on vous déçoit. Ne nous écoutez plus. Changez de fréquence. En même temps, hein, on est du podcast amateur. Hein, c'est voilà. Pas comme si on était l'élite du podcast qui rencontre la ministre. À Castres aussi. Oui, mais on n'est pas l'élite du podcast qui rencontre la ministre et tout. Donc, ça tu parlerais pas d'un certain monsieur qui rencontrerait madame le député, madame le maire. Oui. Du coup, madame le maire. Oui, du coup, oui, c'est ça. Si on était populaire, on ferait des podcasts sur YouTube et on niquerait le monde. Voilà. Et si, autre petit troll, on ferait un Patreon pour financer un Kickstarter, pour financer un Ulule. Pour on a déjà fait une vente comme ça. Ouais, déjà fait. Ouais. Oui, on l'avait pas fait au début. Ouais. On l'a fait maintenant. Numéro 1, donc c'est pour ça. Alors, on dit que des gens écoutent toujours notre épisode de 5 heures. Merci à eux. Enfin, à mon avis, c'est pas en entier, mais. J'espère pour eux qu'ils s'écoutent pas ça en entier. Je sais pas comment ils font, mais. Franchement, même moi, je peux plus. C'est dommage parce que la fin est vachement bien. J'ai juste rien qu'ils écoutent, je sais rien. Mais si, ça finit par. Ça finit par quoi qui se passe. Donc, c'est forcément bien. D'ailleurs, quoi qui se passe, il n'y a pas de nouvel épisode bientôt. D'ailleurs, le spécial. Le spécial quoi de hein non mais on fera un quoi qui se passe bientôt mais rétrospectivement après celui-là juste un petit peu. Bon, enfin, ça dépend, vu qu'il y a Podren, il y aura Japinta, il y aura TGS. Du coup, c'est. On va faire un méga quoi qui se passe avec les trois. Mais moi, pour le Toulouse Game Show, je m'en vais. Ouais. Vous attendez par terre la voiture, vous filmez la voiture qui se barre et c'est bon. Pas besoin de me garder. Donc, je sais même plus où c'est qu'on en était. Tu faisais la présentation. Toujours c'est la présentation. Donc, on peut nous écouter sur les canaux d'écoute. De type Beta, Alpha, Gamma et Eta. Delta, voilà. On est sur Gamma, non ? Zeta. Jusqu'à maintenant, on est Zoltan. Zoltan. Le canal Zoltan. Voilà. Donc les gens qui ne veulent pas nous écouter peuvent tomber sur notre émission. Voilà. Et donc nous allons commencer cette émission avant un dossier et un quiz de mes amis en face de moi. Nous vous allons pouvoir commencer par le Ça va Houblon. Jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! Ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, on va aux filles, les gars. Ah, du coup, on va aux filles ou pas ? Parce que le mois dernier... C'est pas moi qui veux pas. La première fois, le jingle a été placé de façon évidente et certaine. Ouais, non, mais c'est le métier qui rentre. Enfin, c'est... Ouais, hein. Bref, on va... Donc, entre mes mains, pas mon sexe imposant, mais... Non le explicite, ça a c'est été... C'est trop tard. J'avais déjà grillé mon point explicite. Donc, entre mes mains, le décapsuleur du destin, ce qui nous permet d'ouvrir nos délicieuses boissons. Donc, je démarre, et bien évidemment, je démarre. Attention, je pose le retour. Vous savez tous qu'ici... On boit des bières, mais... On boit de la course, donc. Non, monsieur, vous allez trop vite en besogne. Monsieur, vous savez que la bière existe depuis des millénaires. Même, je dirais même, des milliards de millénaires. Mais la bière, un jour, s'est trouvée. Un jour, la bière a eu l'illumination, et cette illumination, c'était forcément Korsendonk. Korsendonk, bière belge de qualité. Bière belge de qualité supérieure. Les Belges veulent même faire... Les Belges qui font la Korsendonk veulent même faire dissidence avec les autres Belges pour prouver leur valeur, pour prouver que eux, c'est la vraie Belgique, le vrai pays, le vrai monde, la vraie bière, la vraie saveur, le vrai verre... Trop long. trop long. Déjà, l'introduction était déjà très très longue. Elle était très drôle. Hein. Ah oui. Je pourrais jamais la refaire, c'est ce qui me rend triste. Donc, en fait, voilà, donc c'est une Corse and Longue, donc un brasseur que j'apprécie. Ah bon ? Un brasseur que j'apprécie légèrement, bien évidemment. Donc, c'est une Corse and Longue Dumbul, comme Dumbledore, mais Dumbul Creek. Donc, c'est une creek. Voilà, forcément. À la cerise. À la cerise, mais qui quand même culmine à 8,7 degrés. Ah oui, c'est une double. Donc c'est une double, voilà. Donc c'est un peu comme une double peinée. Mais pas pareil. C'est une double cric. Une double peinée, le truc qu'on fera probablement jamais. Mais par contre, pour la double cric. Qu'est-ce que t'en sais? Je ne suis pas projeté dans le futur, mais j'ai quand même un petit peu des doutes. Et donc on peut la recycler, mais celle-là, elle est conseillée pour les voitures. On peut la recycler. Oui. Et si, regarde, il y a le petit logo. Là. On peut la recycler. Oui. Mais elle est toujours interdite aux femmes enceintes, mais. Autorisée pour les voitures. Pour les voitures, c'est bon. Dans ta voiture, pas moi. Donc, bien évidemment, allez, c'est parti. Tu la mets dans le réservoir, dans le lave-le-glace, dans le liquide de refroidissement. Ah non, dans l'airbag. Ouh, je suis mort, ça va bien. Il fait exprès de forcer dans le talus. La bouche ouverte. Nous, on fait soif. Hein. Putain, j'ai soif. Avec un petit cure-dent pour éclater le. Mais bien évidemment, bien évidemment. Donc, tout ça dans un verre chimé. Calice chimé. Oh, la belle couleur. Bah, c'est une crique. Couleur cerise. Hein. Mais oui, mais des fois, la couleur n'est pas. Tu sais, ne pas chier plus, mais je crois que les verres gênent. Ça gêne. Oula, ça. Bon, c'est oula, c'est... oula, oula. Je crois oula. Que c'est je crois que c'est le plus grand servage de verre. Je sais pas si ça se dit. Le plus grand du monde. Non, il y a eu la mienne avec la... Je crois que la dernière fois, j'arrivais même pas à ouvrir, déjà, donc... La Tupac de la brasserie des vignes. Ah oui, qui avait moussé que j'étais... Là. C'est vrai. Donc, le diabète, je pense qu'il va m'attraper. Voilà. Vu la couleur très... Rouge là. Oui, voilà. Donc, je passe le... Alors, c'est qui l'avait fait en second, la dernière fois? Je ne sais plus. C'est... On avait fait comme ça, la dernière fois, donc... Vas-y. Allez, le jeune. Le jeune qui... Eh bien, moi, bah, je fais... On reste dans le Tarn. Hein, oh! Parce que je fais une bière, une craft beer même, bière artisanale de Montelliot. Mmh. Donc qui se trouve un petit peu plus au nord à Bruyères. Hein. La Montelarier. La Montelarier. Ouais. Donc 81-260. Oui. Donc c'est typiquement d'ici. Mmh. Et donc c'est une Montelliot blonde à 5,5. D'accord. Donc. Est-ce qu'elle va partir en mousse ou pas? On va voir ça. Attention, tout suspense. Non. Eh, hey, nickel. Ah, ça c'est bien. Ça c'est de la... Et j'ai pas le verre Montelliot, mais c'est pas grave. Oh. Oh, la robe est jolie. Non, mais la robe se trouble. Oh, c'est beau. Bah, ça se trouve parce qu'il y a la levure qui, ouais. qui tombe dedans. C'est ça. En tout cas, cette fois, ça ne sent pas le pipi. Non. Rapport aux bières allemandes. Voilà. Et donc c'était du coup, pas bah, des bières de qualité. Donc si la bière, si le pipi sent la bière, est-ce que c'est le problème de l'œuf ou la poule? Et je passe donc du coup le décapsuleur de la à Sto. Alors moi, ce sera une bière belge, une bière Templier. Ça fait très local quand même, Templier. Eh ben oui, je sais pas. Donc une bière spéciale d'une couleur cuivre et or, refermentée en bouteille, brassée en Belgique par des maîtres brasseurs. Alors je ne sais plus si c'est de la blonde ou de l'ambrée. Ah. Donc on va découvrir ça au live, live in concert. Je mettrai pas ma main à couper, mais il me semble que c'était de l'ambrée. Je crois, non. À voir. Oui, ça, oui, de l'ambrée. C'est de l'ambrée, en effet. T'as fait pour croire qu'on est des spécialistes. Non, écoutez Dudes and Beer. Écoutez des vrais podcasts avec des vrais gens qui ont des vrais avis. Voilà. Nous, on est du pipo. J'ai fait un service rapide, quand même. Hein. Ouais. Plutôt pas mal. Ben je sais mousse. Que tu vas pouvoir finir bientôt chez... Avec, c'est bien parce que le trait, il fait bien au 33. Je vais en faire une photo. C'est beau. Où est mon appareil photo? Je suis plutôt fier de moi. Ouais, c'est vrai. Ça va. Tu vas pouvoir finir chez D&B, c'est très bien. Et quand je dis finir. Oui, non, mais chute. Je dis bien finir. Regardez. Écoutez, la photo est prise. Ah oui, c'est beau. Le bruit de la PM. On se montre les photos entre nous parce qu'on est comme ça et on se montre les photos. Magnifique. C'est un petit peu sexto ça. avec un léger flou sur le fond. Mais bien évidemment, parce qu'il y a du budget ici. Oui. Dans l'appareil photo de G81, il y a du budget. Oh, mais ça, à côté, pourquoi? Il y a déjà suffisamment de bière, de verre. Mais pourquoi dites-vous ça, monsieur? Et la vôtre. À la vôtre. Oui. Santé, mais pas des pieds. Non, je mets pas le talumt. Ma bière sans le diabète. Oula, oula. Ah bah c'est une double. Ah oui, oula. Oula, ou le diabète. Oh le diabète. Oh le diabète. Double brassage. Ouais. Ça sent l'hyperglycémie à 3 bornes. Moi, ça sent de la bière extrêmement traître. Tu sens que. C'est une combien? Faut regarder ça. 6. Ah non. Moi, ça va. Pas tant que ça. Vous, monsieur? Bah, sur celle-là, elle a pas. Du coup, des Montelliottes, j'en ai bu. Des palettes, hein. Pas des palettes, mais peut-être une de chaque. Ouais. Parce que du coup, je les ai vues à la foire à Lautrec. Enfin, à la fête de l'ail à Lautrec. Et je les ai vues il y a longtemps à un marché. De l'ail rose. Oui. De l'ail rose de Lautrec, exactement. Parce que c'est un ail qui est rose. Ah, aussi. Oh, c'est très bien. Non, rose. Et je les ai vues à un marché de Noël l'année dernière, par là-haut. Hein. Dans la montagne. Dans la montagne, c'est là que je vous ai découvert la première fois, et là, elle manque un petit coup de... J'aime beaucoup la robe. Pas comme d'habitude. Ah, ouais. Ah, mais c'est moi qui ai le sous-boc Montelliott. Et c'est toi qui as le sous-boc Montelliott, c'est ça. Et j'ai le verre qui est pas sorti, parce que moi, je suis dans un verre, du coup, les trois brasseurs, 30 ans. On est toujours sur les verres... Décalais. Carless, d'où le titre de cet épisode. Du podcast. Mon Dieu. De cette session. Nous sommes perspicaces. Et m'expirez pas. Voilà, elle a été placée. Attends. Voilà. Si vous l'avez pas, bah. Si vous l'avez pas, regardez Chroma. Voilà. Ce qui est bien, c'est que mon collègue a tellement le son des écouteurs forts que j'ai même pas besoin de remettre mes écouteurs. C'est ça qui est. C'est ça qui est pratique. Formidable. Donc, non, maintenant nous allons goûter nos bières, bien évidemment. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons goûter? Oh, merde, putain, on s'est fait encore avoir comme le mois dernier. Oh merde. Tournage de papier. Bruitage. Interlude. J'en avais déjà parlé dans un podcast précédent, mais nous allons goûter un petit whisky Nika. Alors qu'est-ce que Nika? J'en avais parlé, donc c'est un distilleur japonais très connu, moins connu que Suntory quand même, mais qui fait Nika, ils font de la flotte, ils font plein de trucs, et donc ils font aussi surtout du whisky. Et là, cette fois, nous allons goûter un pur malt, et c'est le Taketsuru. Donc, le Taketsuru est composé de single malt, vieilli au moins 10 ans en fût de chêne, et d'une grande proportion de single malt de Miya Jikyo, ce qui lui confère un profil aromatique doux et fruité. Vous allez dire si c'est doux et fruité. Le Taketsuru est un subtil assemblage. Ah merde, c'était pas maintenant qu'il fallait dire. est un assemblage des meilleurs single malt de Yoshu et je n'arrive toujours pas à le dire. Iyajikyo décliné en plusieurs versions âgées, là à laquelle vient s'ajouter une nouvelle déclinaison premium doit coûter bonbon. Destiné à rendre accessible au plus grand nombre ce délicieux whisky. Dernier né de la gamme Nika, le Taketsuru Pure Malt est une version non âgée du fameux Blend Malt de la marque. Donc malt, ça veut dire que c'est du malt orgé, voilà, tout simplement. Créé pour rendre hommage, j'en avais parlé, à Masakata Taketsuru, ce whisky est aujourd'hui un emblème de Nika. Donc Nika, si ma mémoire est bonne, c'est le plus vieux distilleur du Japon. Parce que sa femme était écossaise. D'accord. Voilà. Donc, allons-y. Eh bien, écoute, va falloir. Comme on dit dans le jargon, tendez vos auges. Vos auges. Comme on dit dans les pays où on est des blancs cis hétéros. Un petit petit. Petit, mais ça me va. Ça te va, mais je sais. C'est bon, ça. Juste un doigt. Vous voulez pas une inculotte d'abord? Non, non. Merci. Et moi, je vais me servir une dose de cowboy parce que je suis un cowboy. Comme d'hab. Parce que moi, je sais savourer. Oui, dis donc. Oh, mais dis donc. Non, voilà. Chunkoba est raisonnable. Oui, bon, ça va. Faut quand même survivre encore notre enregistrement. Au dernier, on peut ouvrir les vannes. De toute façon, il n'y a plus de... J'annonce, plus de whisky pour le dernier. Ouf. Plus d'imposé en termes de whisky. Donc, alors par contre, j'ai pas le prompteur. Du coup, c'est le dossier. Non, du coup, c'est le dossier de notre ami Azertov. On y va, c'est parti. C'est moi qui dis. Salut à tous. Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à dessiner un personnage en pied. Vous êtes prêts? Oui. Alors allons-y. Faites une forme de saucisson qui coupe au milieu. Ok. Voilà, et puis faites pareil. D'accord. De saucisson comme pour les jambes. Ok. Et une fois terminé, vous pourrez obtenir ceci. Un personnage sortant des flammes, tel un survivant. Ouais. Du coup, mon dossier, c'est un dossier que j'ai appelé La vie d'Azertov. La vie d'Azertov. Ouais. T'as une vie ? Non, parce que je vais vous dire ce que j'ai vu ou lu dernièrement. D'accord. Enfin, voilà, parce que, en fait, j'avais pas trop d'idées de dossier. J'en avais commencé un sur Vauban. Donc, l'architecte qui a fait les places fortes. Oui. Parce que, du coup, j'étais en vacances dans les Pyrénées. Et qui j'ai a fait vu, plein de trucs. Quand tu sais pas ce que c'est, oh, c'est du Vauban. Oui. C'est ça. Et tu nous montres déjà. Alors, il a fait des trucs pas autorisés. Enfin, si, il a fait beaucoup de trucs en France, mais. Besançon. Besançon. Ouais. Il fait des trucs partout. À côté de Font-Romeu. Oui. Ah, c'est là, oui. Là où il y a le four solaire. Oui. Enfin, Odeillo. Odeillo. Oui. Enfin, non, à côté. Il y a le four solaire qui a été le deuxième et le premier qui a été à. Je sais plus comment ça s'appelle. À Mont-Louis. Ouais. Mont-Louis, exactement. Moi, j'aime pas les fours solaires. Les fours solaires, c'est pour les écolos. Ouais, mais c'était intéressant. Donc, du coup, c'est pleinement dans la ville. Donc, du coup, j'étais en vacances à côté du Mont Canigou. Et on en a profité pour visiter un petit peu les places. On était à côté de Villefranche-de-Conflans. Très joli. On a monté d'abord par le sentier. Ouais. Qui est fait normalement. Que la ville basse. Ouais, parce que là-haut, faut payer pour arriver au château. Faut monter, faut payer. Voilà. Mais après, c'est très beau. Donc, c'est une place forte en deux niveaux. Donc, il y a la ville basse qui est bien fortifiée et un château qui est 1000 marches plus haut. Parce que, bien sûr, il faut monter les 1000 marches dans la montagne ou le sentier pour les voitures et pour les bourges. Et pour ou le faire à pied. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'avais l'idée de faire ça, mais j'ai commencé à lire un bouquin justement sur Vauban, mais j'ai pas fini. Donc, du coup, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Une fois d'après. Hein, quand j'aurai fini et que j'aurai fait plus de documentation. Janvier, février, mars, janvier, février. Plus tard, hein. Plus tard. Ou ça se trouve, je vais jamais le faire. Hein. Tu vas gâcher des idées de dossier. Oui, mais non, mais des idées de dossier, ça arrive. Ça va, ça vient. Voilà. Bref. Et donc, du coup, je vais plutôt passer sur ce que j'ai vu et lu. D'accord. Donc, on va commencer par le film qui s'appelle Hardcore Henry. Ça me dit absolument rien. Ah merde, c'est con. Parce que c'est un film qui a été filmé entièrement en vue subjective, à la première personne. Un film en FPS. Ouais, c'est un film FPS. Qui est. Donc, du coup, c'est. À noter que c'est pas le premier, parce que dans le porno, ça fait longtemps qu'ils filment en vue, en vue subjective. Oui. Enfin, porno amateur, du coup. Parce que les vrais films porno. Fais du pauvre, et oh. Donc là, c'est un film d'action qui est russe. Donc c'est réalisé, créé par Ilya Nashuler. Enfin, je prononce forcément mal. Il a perdu sa montre, mais Nashuler. Et donc en fait, à la base, c'est un court-métrage de clip de musique. Voilà, il y a un producteur anglais américain qui lui a dit je suis intéressé pour faire un film de cette façon-là, en fait, tout filmé en vue subjective. Donc après, je vais vous faire passer du coup la jaquette, même la si jaquette. On voit pas grand-chose dessus. Ouais, du coup, ouais. Donc du coup, ce film-là a été projeté en premier dans divers festivals. Mm-hmm. Donc le 22 mars 2016 par exemple au Lyon Festival Hallucination Collective. Le 25 mars 2016 au Mauvais Genre Film Festival. Et il fait une sortie nationale le 13 avril 2016. D'accord. Avec une sortie DVD Blu-ray le 19 août. Voilà, c'est quand même assez récent. C'est bizarre, tu n'as rien. Donc du coup, c'est L'histoire de base, en fait, c'est... vous ne vous souvenez de rien. Votre femme vient de vous ramener à la vie. Elle vous apprend votre nom, Henri. 5 minutes plus tard, vous êtes la cible d'une armée de mercenaires menée par un puissant chef militaire en quête de domination du monde. Vous parvenez à vous échapper, mais votre femme se fait kidnapper. Vous voilà perdu dans le monde, dans un Moscou hostile. Ici, tout le monde semble vouloir votre mort. Vous ne pouvez compter sur une personne. Vous ne pouvez compter sur personne, sauf peut-être sur le mystérieux Jimmy. Pouvez-vous lui faire confiance? Arrivez-vous à survivre à ce chaos? Sauver votre femme et lui faire la lumière sur votre véritable identité? Bonne chance, Henri. Vous allez en avoir besoin. Donc ça, c'est le pitch qui se trouve en début de film ou en synopsis sur divers films. Pour vous donner un petit peu... Et la quatrième de couverture aussi. Donc là, voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'ambiance. Le pitch. Le pitch de départ, pour situer... voilà. Donc en fait, le film en lui-même, il est un petit peu bizarre. L'histoire est... j'ai trouvé l'histoire bien. Mais après, c'est niveau réalisation technique, en fait. J'étais porté sur le film parce que justement c'est un film entièrement en vue subjective, donc première personne, donc du coup ce qu'on voit réellement directement nous par rapport à notre œil. Donc c'est un film de ce type là avec des scènes d'action, donc normalement c'est rythmé, non-stop, tout de suite on pense à ça. On peut penser par exemple là, au début je pensais que c'était comme dans Birdman. Oui. Que des plans séquences, même si c'est des faux plans séquences avec des coupures, mais on suit, c'est. D'accord. Mais en fait, non. C'est là que j'ai déchanté la première fois, c'est que tu vois les raccords, en fait. Même si c'est pas. Il y a des coupures. Il y a des coupures, mais les coupures de scène sont. Ça, c'est parce qu'il fait un saut, et donc du coup, tu vois le mec qui regarde par terre et qui se relève, ça peut passer. Tu vois qu'il y a une petite différence parce qu'il y a un petit décalage ou il y a un petit montage. Ou des fois, en fait, ça fait un effet de morphing. Parce que du coup, la scène, les acteurs n'étaient pas au même endroit. Donc du coup, tu as un petit morphing de déplacement. Donc... Ça m'a un petit peu sorti. La deuxième chose qui m'a sorti, c'est que du coup, je l'ai vu en VF. Je l'ai pas vu en VO sous-titré. Et que la VF, tu as 3-4 personnes qui parlent en VF. Ah! Est-ce qu'à un moment quelqu'un fait l'accent belge pour pas savoir qu'il est déjà dans le film? Non, là c'est purement l'accent, c'est purement centré russe, donc du coup tout le monde parle russe. Ouais. Sauf pas l'acteur principal, parce que justement pour pouvoir, j'ai lu ça après, mais pour pouvoir mieux s'identifier à Henri, on va dire, au personnage, il parle pas. D'accord. Donc du coup il y aura pas de problème d'identification pour vivre vraiment l'expérience comme si c'était toi, mais c'est les autres. Donc par exemple, Jimmy, la première fois qu'on le voit, il commence à te parler en russe, et d'un coup il te parle en français. Donc les parties russes, quand c'est un dialogue, on va dire, direct, sont sous-titrées. Donc du coup, ça te crée un petit décalage entre les deux, en fait. Donc c'est ça qui m'a sorti aussi du film. Après, l'histoire, ça reste une histoire de... voilà, comme j'ai dit, Henri, il essaye de sauver sa femme. Du coup, j'ai spoilé. On découvre que donc, le méchant, qui s'appelle Akan... Enfin, si je dis pas de bêtises... Hop, je recherche... Oui, c'est ça. C'est Akan. Cherche justement à créer une armée par rapport à Henri. D'accord. Et donc, du coup, là-bas, c'est... voilà, l'armée de surhumains, on va appeler ça comme ça, va prendre comme histoire, en fait, le fait de sauver sa femme. D'accord. Qui a été enregistrée par rapport à Henri. D'accord. Donc, du coup, ça crée un autre décalage sur le film voilà, est-ce que c'est vraiment... Henri ou... Est-ce que c'est vraiment Henri? Ouais, ou si c'est un clone. Ou c'est le premier type, c'est un type lambda, qu'on a pris pour justement créer cette histoire-là et l'injecter dans les autres. D'accord. Ouais, je sais pas. Voilà, donc du coup, je vous ai un petit peu révélé un twist, mais... Ouais, mais il y a des questions, quand même. Et après, il reste plein de questions. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Akan, a des pouvoirs mystiques. Mystiques et télé. Psychiques. Ouais, psychiques, télé. C'est le professeur Xavier Russe. Voilà, sauf qu'il est, il peut bouger, il a des cheveux. Sauf qu'il n'est pas en fauteuil roulant. Voilà, il est un petit peu, on va dire, albinos. Oh. Donc, du coup, peau hyper claire, cheveux blancs. Voilà. Blanc, et blond. Et mais... les yeux blancs aussi. Les yeux très bleus, très bleus. Ouais, rouge, oui, rouge. Ouais, là, c'est, il n'avait pas trop les yeux rouges, mais. Ouais, toi, sur l'image. Ouais. Toi, il est plus. Il est un peu pâle, quoi. Ouais, il est vraiment blanc. Blanc comme une merde de laitier. C'est ça. Et donc, après, voilà. Je pense que si on est russe ou qu'on parle le russe et qu'on regarde en VO, on rentre plus dans le film. Enfin, ah oui, on s'identifie plus à Henri. Mais déjà, un film en vue subjectif où t'es obligé de lire du texte, déjà, voilà. Ça coupe un peu. Mais là, ouais. Ça, je crois que j'ai dû lire peut-être 4 ou 5 fois. Oui, voilà. Mais du coup, c'est ça, déjà ça te sort. Ensuite, t'allais voir un coup française et tout le fond c'est en russe. Ouais. Ah oui, ouais. Des fois, même les acteurs qui te parlent, bah, c'est des prononciations, on va dire les termes russes qui sont pas doublés parce qu'il fait des A, il fait des, ouais, des onomatopées ou ce genre de choses. Mais du coup, tu vois qu'il y a un. Ça te sort aussi. Ouais, oui, j'imagine. Après, le problème qu'il y a eu aussi sur ce film là, c'est que bah, les personnes qui étaient vraiment immergées dedans. Mmh. Vomissez. C'est du coup, c'est de l'action. Ça bouge tout le temps et ça te crée un décalage. Comme les réalités virtuelles à casque, ouais. C'est tu vois l'image qui bouge, mais ton cerveau sait que tu bouges pas. Ouais. Donc du coup, il y a ça qui. Le mal de transport, quoi. C'est ça. Hop, une galette. Galette saucisse, hop, direct. Après, quoi dire Je me demandais, moi justement, par rapport à la vue subjective, hein, ouais. Est-ce que c'est pas plus intéressant de le voir en 3D? Oh, la bonne question! Peut-être. Enfin, je pense que 3D, VO ou intégralement doublé dans la langue, pour permettre ouais. L'immersion, peut-être que ça doit mieux rentrer. Je pense aussi, ouais. Et après, plus d'immersion, dû à la vue subjective. C'est ça. Et après, sur grand écran, tu dois être plus, hein, plus ouais, ou dedans. Sur un écran panoramique, en fait. Ouais, panoramique ouais. Ou de la 3D, pour avoir un effet. Toi, j'ai vu sur ma télé, elle est pas grande. Ouais. Je l'ai vu, on va dire, quand même, d'assez loin. Ouais, de suite. Donc, du coup, il y a peut-être ça aussi qui joue dans mon ressenti. Oui. Après, peut-être que ceux qui l'ont vu au cinéma et vraiment, on va dire, dans les bonnes conditions, je sont pense plus que rentrés dedans. L'immersion, je pense que dû à la vue subjective, l'immersion est encore plus importante dans le truc. Je pense aussi. Le fait que ce soit soit en 3D, soit sur un écran panoramique, quelque chose de suffisamment grand, ça doit jouer beaucoup. Bah après, c'est comme ce qu'on a pu dire par exemple sur Interstellar. Enfin, Interstellar et le film avec Clooney et Gravity. Voilà. Gravité. C'est typiquement pour Gravité, le film où tu dois le voir au cinéma. Parce que c'est fait pour. Ah, mais c'est pensé le cinéma. Et parce qu'il te faut je pense en plus du fait que ce soit dans l'espace, il te faut la sensation de grandeur. L'espace, ouais. De grandeur. Et avec le. D'infinité. Parce que dans les salles de cinéma aussi, l'écran est plus grand. Mais les sorties audio sont faites. Ouais, sont stéréo. Sont stéréo ouais, en 5.1. Si t'as un son devant, tu vas avoir plus devant que sur les enceintes ouais. Arrière, etc. Donc t'as. T'as la spatialisation. Voilà, c'est la spatialisation. Et c'était. Ils avaient sorti un truc qui s'appelle Atmos, il me semble. Oui. Au niveau du son, justement à cette époque-là, ils disaient les mecs qui avaient vu le film en bonne qualité, c'était vraiment ça. C'est grand écran, sonorité Atmos. Et ils étaient vraiment dedans quoi. Ouais, ouais. Donc ça après, c'est sûr que les conditions, l'état dont tu es aussi, ça joue forcément dans l'appréciation d'une œuvre. Oui. Donc du coup, j'ai acheté le Blu-ray. Je suis un petit peu con parce qu'à mon avis, il est facilement téléchargeable pour ce type de film là. Bon après, c'était c'est 20€. Bah le procédé est intéressant. Mais en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un film, on va dire, d'action première vue. Ouais, c'est que déjà, ça change. Donc déjà, même juste le fait que ça existe, on va dire, ça mérite de le... Ça va sûrement ouvrir des portes pour des trucs qui seront probablement mieux produit à l'avenir. Voilà, ouais. Ça. Il est fort probable. Et après, du coup, dans, dans la version Blu-ray et DVD, il me semble, il y a en plus les origines de Akan, donc qui joue le méchant. Et on apprend comment il a ses pouvoirs de... Oh, un ancien invité de notre cher podcast. Ah, je pense qu'il est... Il est dans le même état que nous, c'est ça ? Il nous a envoyé une photo avec trois bières, la burnout, l'happy hour, l'heure sup et les 3-8. Ah, les 3-8 recommandés par... Dudenbier. Bon bah... Oh. Une IPA, une pale ale, une rousse, et la dernière on ne voit pas parce qu'elle est cachée derrière une boîte de pipas. La pipas. Ce sont des bières la pointed. Ouais, je pense que un ancien invité va bientôt décéder. Une brasserie artisanale. Oui, c'est déjà le cas, on sait pas. Bon, visiblement, il arrive encore à envoyer des business. Oui, donc ça veut dire que tout va bien. C'est-à-dire que tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Donc, du coup, on revient. Et maintenant, il y a des camions qui passent. Mais chut, t'es pas obligé de tout dévoiler. Donc, du coup, dans la version Blu-ray, en tout cas, j'ai les origines story de Akan. Ouais. Et on comprend un petit peu plus. Il vient d'envoyer un deuxième MMS. Let it beer. Avec une camionnette qui marquait Let it beer. Lukangu ou Lugisette? C'est une Citroën, ouais, c'est un Berlingo. C'est un Berlingo. Donc, du coup, salut Wish. Hein. Salut Wish. Ouais. Salut Wish. Toi aussi, tu picoles en même temps que nous. Hein, voilà. Pour picoler avec nous quand même. Hein. Ouais, mais il picole à... Tu picoles avec nous à ou contre ah oui, est-ce que tu picoles avec nous ou contre nous, Ah bah là, du coup, c'est contre nous. Hein. Ouais, il n'est pas avec nous. Donc on apprend un peu plus les origines de Akan. Je vais vous laisser attends, faire le cours. Pour reprendre le cours normal. Voilà. Donc là c'est un petit feuillet qui est on va dire taille carte postale. C'est sympa. Style. Ah j'ai dû recevoir le reste du Berlingo. Du Berlingos. Donc voilà, donc un petit, c'est un petit comics en fait. C'est un petit comics qui raconte justement les origines de Akan et comment il développe la société. Enfin, qui va poursuivre et le. D'accord. Qui va poursuivre Henri et voilà comment il a les fonds et tout. Parce que Henri se passe dans une période. Dans un... Enfin, c'est contemporain topic. Quoi. Ah, c'est non, c'est purement contemporain. Peut-être avancé parce que du coup. Ouais, un petit peu. Voilà. En fait, on apprend que Henri est un cyborg. Hein? Enfin, c'est un homme qui a été. Enfin. Modifié. Du coup, à la suite de l'histoire, tu est-ce te poses des questions. Non, mais tu te poses des questions. Est-ce que c'est un véritable homme ? D'accord. Parce qu'en fait, il va avoir un bras et une jambe sur de cybernétiques. Ouais. Qui lui sont rattachés. Donc, on voit une scène où il a une main, on va dire, argent qui vient se greffer et qui met de la peau dessus. Ouais. Et à un moment, pareil, on lui met une jambe et on voit le pied qui tourne. Ah, d'accord. Ah, c'est un peu le. Dans Terminator Renaissance, c'est un peu le même. Le même. Type de scène. Le même type de scène. À un moment, si tu veux, t'as le gars, il est parachuté de je sais pas combien de mètres, et il revient après. Sauf que le problème, quand en fait c'était. Ça se voulait expliquer en filigrane, en fait, ça s'expliquait juste parce qu'à la fin du film, tu sais que. Ouais, c'est un Terminator en fait. D'accord. Oui. Et qu'il lui-même ne le savait pas en fait. Oui, bah après, c'est comme dans la série. Ah merde, bah, du coup, j'ai perdu le titre. Avec les Cylons. Galactica. Oui. Dans la nouvelle série, j'ai pas vu, mais à chaque fois j'en entends parler. C'est tu sais pas si les humains que tu vois, parce qu'il y a les humains et les cyborgs qui s'appellent les Cylons. Et à un moment, ils ont tellement évolué que les Cylons sont comme des humains en fait. D'accord. Un peu comme les dans Doctor Who, les Exterminate. Les Daleks. Ouais. À un moment, tu les vois, ils sont devenus comme humains. D'accord. Enfin, ils ont une apparence humaine. Oui. Je sais pas si tu vois après, les aillons, mais ça, ce sont les voitures. Là, dans le cas, ils savent pas s'ils sont véritables humains. En fait, ils ont les souvenirs, ils ont les comportements humains, mais ils savent pas s'ils sont véritablement humains. Là, dans leur condition, ils humains, voilà. Et, c'est dans quoi Galactica. Une série Space Off. Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Oui, c'est ça. Ok. Exactement. Donc, du coup, tu vois, dans la nouvelle l'étoile série. L'étoile de la bataille galactique. Ça. Et là, du coup, en parlant, je me pose la question, c'est est-ce qu'il est véritablement humain ou pas ? Et oui. En tout cas, Henri, est-ce qu'il est véritablement humain ou est-ce que ça a été un mec qu'ils ont construit, modifié ou modifié ou même directement, est-ce que c'est directement est-ce un cyborg, c'est un cyborg, ouais. Est-ce que c'est pas le cyborg Prime, c'est ça. En fait, comme le Metroid. C'est ça. Dans l'histoire, en fait, justement, lui, il sert de point de départ, de raconter l'histoire qui sera injectée ensuite dans les autres. Donc du coup, me pose des questions. Donc en fait, au niveau de l'histoire, tu vois que c'est beaucoup plus réfléchi. Oui. Que juste, bah voilà, c'est un mec qui va essayer de venger. Et il y a plein de thématiques comme ça. Parce que Jimmy, pareil, on va le voir une première fois. Et il se fait tuer au lance-flammes. Ah. Oh. Sauf que après tu le revois. Fait, salut, c'est Jimmy. Fait, mais attends. Du coup, tu comprends pas trop. Tu fais, mais il est mort et tout. Mais surtout qu'au lance-flammes, ça laisse peu de place au. Ouais, tu comprends pas trop. Ouais, c'est ça. Les Japonais à Okinawa sont tout à fait d'accord avec moi. Et ensuite, du coup, tu apprends l'histoire de Jimmy. Tu sais pourquoi est-ce que du coup il y a plusieurs personnes qui peuvent mourir. Oui. Mais est-ce que c'est la légende de Jimmy? J'ai pas la rêve, donc je vais dire non. C'est une chanson. Julien Père. Non, c'est pas Véronique Sanson. Non, je sais plus. Non, c'est pas. Alain Souchon. Je sais plus. Enfin, c'est artiste années 60. Ah oui, Jimmy Nanana. Oui, tu pleures. Oui, c'est Souchon. Oui, c'est. Ah oui, voilà. C'est Alain Souchon. Voilà. Pas besoin de chercher. Donc voilà pour Hardcore Henry. Donc après, si, je vous passerai si vous voulez le voir. Même alors, juste, tu donnes combien sur 20? Vu subjectif sur 20. C'est-à-dire que tu prends pas de risque. C'est-à-dire que tu mets un truc sur 20. Écoute, on va regarder. Ouais. Sur 20. Je te laisse regarder sur Topito ou Sens Critique. Sur 20. Du coup, je vais passer au. Parce que du coup, j'ai prévu plein de trucs. Est-ce qu'on avance? Oui. Ah oui. Du coup, je vais vous parler d'une BD. Oh. Donc, mais ça s'appelle Un pour tous. Mais qui est l'auteur? Qui est de Fabien Dalmasso. Oh, mais oh, ce nom me dit quelque chose. Serait-ce pas le Fab? Connu aussi sous le nom de Le Fab. Donc, il y a la Tour de Kila, Reflet d'acide. Et là, du coup, c'est sa première BD, on va dire, sous son nom propre, chez Delcourt. Oh mon dieu! Hardcore Henry, 6,8 sur 10 sur IMDB. C'est pas mal déjà. 6,1 sur 10 sur Sens Critique. C'est pas mal. Et sur Topito. Non, c'est pas Topito, mais c'est le. Non, je me fie plutôt à IMDB ou Sens Critique. Ouais. Donc, Sens Critique. Regardable sur 10. Donc, voilà. Moi, après, voilà, j'ai bien aimé, à part justement les défauts. Ouais. C'est l'immersion et du coup j'étais pas trop immergé dedans. Donc après il y a peut-être l'histoire est beaucoup plus profonde, la preuve en discutant avec vous. Du coup est-ce je me pose plus de questions. Est-ce qu'il y a une scène où il fait pipi? Non, ça non mais du coup c'est de l'action mais non-stop. Oui. Ça enchaîne les actions non-stop. Et du frag. Donc du coup je vais passer à la suite. Donc c'est une BD qui s'appelle Un pour tous, donc La jeunesse des mousquetaires. Donc c'est le tome 1. Donc c'est est-ce que ça parle d'Intermarché? Pas du tout. Ah merde. Et en fait ça, donc on connaît plus ou moins tous, enfin de moins du nom, les mousquetaires d'Alexandre Dumas. Ah bah, et le plus célèbre Albert. Et Albert le cinquième mousquetaire. Exactement. J'étais en train de chercher, mais oui, exactement. Et D'Artagnan. En fait là c'est plutôt Alexandre Dumas apparemment a fait une histoire en prenant juste des personnes, des noms réels et a inventé la suite. Un pour tous se met plus dans la réalité en prenant les vrais noms des personnes qui ont existé. Donc du coup on a du Isaac de Porto. Porto. On a Henri d'Aramis. Aramis. Ouais. On a Charles de Batz. Armand de Silègue et Savinien Cyrano. Un rapport à Porto et Aramis du coup. Il y a Porto, Aramis, D'Artagnan et D'Artagnan. D'Artagnan qui est Charles de Basse, si je ne dis pas de bêtises. Et Athos. Parce que, Athos. Et Athos. Voilà, donc Charles de Basse, c'est Porto, D'Artagnan, c'est parce que son nom complet, parce que du coup, dans la première page, on a la présentation des personnages avec les noms. Donc, on a bien sûr Henri d'Aramis, qui est Aramis. Isaac de Porto, qui est un nouveau noble qui va changer en Porthos. Nous, on connaît plutôt sur Porthos. Armand de Salileg d'Athos. Très bon, d'Hauteville. Ah, donc Athos. Donc Athos. Et Charles de Basse, Castelmore de Montesquieu, d'Artagnan. Donc d'Artagnan. Et Savivien Cyrano de Bergerac, évidemment. De la bergerie. Donc là, on va dire, ce sont la jeunesse des mousquetaires du roi Henri XIII. Que, du coup, je l'ai là et je le lis en même temps, parce que je ne me rappelle plus. Alors moi, l'histoire, faut pas me demander. Ah oui, non, mais moi, c'est pareil. Henri, quelque chose. C'est Richelieu. On sait qu'il y a Richelieu, voilà. Et il y a... Mélusine. C'est la fille méchante dans... Ouais, Albert Le Sequier, mousquetaire. Là, c'est celle qui est au service de Richelieu, Mélusine. C'est ça, là, elle s'appelle Dame d'Hiver. Donc qu'on a ici. On a donc du coup on a bien sûr Richelieu et on a un méchant qui s'appelle Rochefort. Et Jean. Non, c'est pas Jean. Oui, Jean. Il est gentil. Et donc du coup dans cette histoire là, donc du coup nos héros sont vraiment jeunes, ils doivent avoir 12 ou 13 ans. Ouais. Enfin, bah, à l'époque ils étaient vieux peut-être. Ils sont pré-ados. Ils sont vraiment pré-ados. En tout cas. Niveau collège. Quoi ? Ouais. Niveau représentation, Henri d'Aramis et Isaac de Porto sont vraiment jeunes, on va dire peut-être 12 ans. 12-13. Ouais, alors que Armand, donc du coup, Athos et on va dire D'Artagnan, ils ont sont plus, voilà, on va dire 14, 16, 15, ouais. 16. Pas. Et Cyrano Bergerac qui est, on va dire, 12. Enfin, au niveau représentation graphique. Donc c'est vraiment la jeunesse. Et dans cette histoire-là, en fait, leurs parents, qui sont mousquetaires du roi, se font emprisonner et garder par Rochefort, qui est sous les ordres, bien sûr, de Richelieu. De Richelieu. Et donc, du coup, on est vraiment dans le contexte politique, parce qu'il y a les... donc 15, 16, 17e siècle. Ouais. Parce que je suis en train de dire en même temps, et du coup, je calcule parce que c'est vachement loin. Donc, du coup, on a toujours Louis XIII... qui a son pouvoir et toujours bien sûr les nobles au sud de la France qui comme de Toulouse et tout comme ça exactement. Et là toi au début du XVIIe siècle, la France vit sous le règne de Louis XIII avec l'aide du cardinal de Richelieu, qui est à la fois un ami fidèle et un rival politique. Le roi entreprit de consolider son royaume. C'est une époque riche qui verra naître de très grands noms tels que les trois mousquetaires, Cyrano de Bergerac, Molière, La Fontaine, Corneille et bien d'autres. Et le roi Ficelle. Déjà. Et là du coup c'est l'exposition. Et on te montre toi Toulouse, novembre 1632, et tu vois le TGS. Premier du nom. Le TGS, premier impact. Et donc du coup tu vois les chevaliers. Enfin, les chevaliers, les mousquetaires qui sortent de Toulouse. Et tu vois la présentation. Donc, tu vois, du coup, les vieux mousquetaires qui vont se faire emprisonner, qui sont de la famille, à chaque fois, de nos cinq héros. D'accord. Enfin, de nos cinq. Qui sont de la famille, pas directement de Cyrano, parce que l'histoire vous expliquera que, en fait, Armand de Salileg, Charles de Batz et Savinien Cyrano... s'entraîner déjà après d'un maître épéiste. Un maître épéiste. Maître d'armes. Un maître d'armes, voilà, je cherchais le terme bon exact. Merci que t'es là. Merci que t'es là. Hein. C'est... On invente des mots. Donc, du coup, ces trois personnages s'entraînaient déjà avec le maître d'armes. Et il y a Henri et Isaac qui viennent en plus pour délivrer leurs parents. Donc du coup c'est une histoire vraiment d'introduction, vraiment la présentation des personnages, de l'univers plutôt historique, avec vraiment les lieux et comment ça pouvait se passer. Après côté notre collègue est toujours au tan alcoolisé. Putain de bière Sevenol. Fabricant de bière artisanale. Une ancienne boucherie, putain, je ne comprends même pas. Donc du coup, côté... Voilà, on va dire pour côté l'histoire qui colle plus à la réalité. Les cadets. D'ailleurs, c'est marqué dans le titre, les cadets. Oui, les cadets, justement, ils vont être en formation et ce seront les futurs. Le Louis XIII monte un plan, justement, de recruter des jeunes personnes pour aller sauver ses mousquetaires. D'accord. qui sont du coup des proches et on lit dans l'histoire qu'ils donnent rendez-vous pour pouvoir justement renouveler sa garde de mousquetaires. Parce qu'il y a les mousquetaires du roi et les mousquetaires de Richelieu. Ouais. Donc pour les gentils et les méchants, en gros. Mm. Donc du coup, il utilise ce stratagème pour entrer en contact directement avec Henri. Mm. Henri, hardcore. Non, ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait le lien, mais ils portent tous les deux pour contacter Henri d'Aramis et qu'ils transmettent pour que Henri d'Aramis transmette les informations comme quoi son parent et ses mousquetaires, enfin, du coup, les mousquetaires du roi sont pris au piège. Ils ont réussi à envoyer un pigeon voyageur. Parce qu'à l'époque, ils s'envoyaient pas des Instagram et des WhatsApp. Bah, non, et du coup, toi, ils emprisonnaient les personnes, ils les tuaient pas direct. Ah, c'est. Le premier truc, c'est voilà, ils sont méchants, bah moi je les bute quoi. Enfin, ils sont méchants, c'est des. Je les garde pas prisonniers parce que du coup, je sais qu'ils vont. Ouais, mais ça, c'est la SS, on n'est pas chez les SS ici. Oh, j'ai déjà lu, j'ai déjà feuilleté en librairie, monsieur. T'as déjà feuilleté ? Mais bien évidemment. Homme de bon goût. Donc voilà, après, côté histoire, pour planter le décor. Ouais. Côté dessin. C'est-à-dire que planter le décor, c'est-à-dire que tu le laisses sur place ? Non. Pardon. Côté dessin, donc ça reste du. Enfin, du Fab, du coup, ça reste du Fabien Delmasso. C'est très, on va dire, réaliste, mais. Un peu cartoon, ouais. Cartoon, manga. Enfin, ouais. Du coup, il a. C'est son style, donc c'est une personne plutôt réaliste, mais avec des. On va dire des grands yeux bien, bien expressifs. Mm. C'est pas toujours. Très détaillé, même très égal, égaux. Enfin, égal. Égalo. Pardon. Voilà, mais. Par contre. Il partage souvent quand il est en train de dessiner sur Facebook les planches, les préparations, les crayonnés et tout. Et niveau décor, bâtiment historique, tu sens qu'il a un petit peu bossé le truc. Et les trucs, ouais, mais c'est très beau avec la couverture. Les châteaux, donc on va sur la couverture, donc c'est le château de. Je l'ai noté. De Villeneuve. Ouais, bon, pas trop. Ça. Et là, tu vois, pareil, du coup, Versailles. Donc, on voit un petit peu l'entrée, vite fait. Mais c'est... C'est bien fait. C'est bien fait. Tu sens qu'au niveau des bâtiments historiques, c'est beau. Voilà. Tu sens qu'il a quand même passé du temps dessus. Et souvent... Mais il y a beaucoup de BD qui marchent sur ce principe. Hein. Les BD de voitures, c'est comme ça. Les BD d'avion aussi. Mmh. Mais ils sont plus, oui, voilà, sur les décors. Et même sur les avions, de toute façon, ils vont détailler un peu plus. Oui, parce que les gars, c'est des chieurs. Hein. Ouais, c'est pointilleux parce que c'est ah voilà, t'as mis le boulon là, mais en fait il est pas dans ce sens là. Ou... Ouais, voilà. Oui. Il était pas assez serré, quoi. Donc voilà au niveau du dessin. Bon, après, voilà, donc c'est pas forcément inégal. Donc on voit les dessins, des fois tu sens qu'il a pas pris trop de temps. Voilà, fait que ça avance. Mais il faut que ça avance. Mais après, dans la. C'est rare que ça soit un petit peu, non, un petit peu bizarre. Ça va, ça va. Après, ça peut se comprendre, voilà, il faut le temps de dessiner, on peut pas être toujours parfait. Évidemment. Après, niveau couleurs, bah, justement sur cette page-là, qui m'a un petit peu fait bizarre. Ouais. Enfin, donc c'est une page, celle-là avec le coucher de soleil, nuit, Le coucher de soleil violet. Voilà, et tu sens que ça a été fait sur ordinateur. Ouais. Donc, oui, ça se sent, de toute façon, mais ouais, c'est vrai que. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Pour avoir vu des originaux de Fabien quand il est en dédicace. Ces planches en noir et blanc original, ça pète bien. Ouais, c'est joli. Quand il bossait, qu'il me faisait voir les planches de reflets d'acide, ouais. Tu fais ouais, c'est beau quand même. Ouais. Voilà, du coup, la couleur, ça. Enfin, après, c'est un avis. Des fois, la couleur, tu dis ouais, mais en fait, je m'en passerai parce que le dessin lui-même se suffit. Et ce qui m'a un petit peu aussi gêné dans le dessin, c'est que j'ai pas de pleine page. À aucun moment il y a une pleine page. Ah, tu vois qu'à aucun moment le découpage prend la place sur l'histoire en fait. Si, le découpage, tu vas voir, il y a plusieurs découpages. Bah, ouais. Toi, c'est pas un gaufrier. Toi, tu sens qu'au niveau découpage des planches. Il y a quand même du dynamisme. Ouais. Mais il n'y a pas de pleine page. Il n'y a pas la place page. Ouais, voilà, c'est ce que tu veux dire. que sur Reflet d'acide, le dernier tome qui est sorti, enfin, du coup, il y a les 5 et 6 sont sortis chez Delcourt là, qu'on enregistre cette semaine. Ouais. Mais quand c'est sur le dernier tome de Physalis, enfin, sur le tome 5, t'as une putain de pleine page, une double page même, avec l'armée de Mortis. De Mortis qui avance. Et tu vois, merde, du coup, j'ai plus son nom, non pas Wandral. Si, c'est Wandral, oui, Wandral. Le héros et qui découvre l'armée. Et t'as une putain de double page où tu vois justement l'armée. Dans Un pour tous, il y a pas ça. Pas ce truc. Bah, j'aurais aimé. Après, voilà, y a, s'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'utilité. Mais voilà, ça m'a un petit peu manqué. Après aussi, ce que je peux dire sur Un pour tous, c'est les pages explicatives à la fin de l'escrime. Ah, ça c'est bien. Et ils expliquent en deux pages deux mouvements, donc déjà la posture, posture de base, et comment avancer en fait. D'accord. Ils t'expliquent qu'il faut tu prends la posture de base, donc qui est les pieds bien écartés, les pieds à 90 degrés, à 90 degrés et bien ancré. T'es pas debout, mais t'es comme si tu t'asseyais, je pense, et t'es en appui sur tes jambes. T'as pas les jambes droites. Et ensuite, il t'explique comment faire un pas. Donc, tu avances ton pied droit, du coup, selon. T'as pas le droit de croiser les jambes. Voilà, t'as pas. Donc, du coup, tu avances ton premier pied. Et ensuite, quand tu le poses, tu ramènes le second, le pied arrière, on va dire. En même temps, du pas chassé. Voilà, c'est ça. Ça du pas chassé. Et il t'explique aussi, du coup, les mouvements et les écarts aussi. Je suis encore lucide. Ça n'a pas duré, mais j'ai pas encore attaqué le whisky. Ah, or que moi. Tu l'as fini. Donc voilà. Donc après, au niveau de pour retourner sur l'histoire et terminer là-dessus, tu sens que c'est. C'est vrai que les décors. Je montre le décor du château de Versailles, si je dis pas de conneries. Non, c'est le château au-dessus de la couverture. Le château neuf de Saint-Germain, pardon. Donc tu sens que il l'a bossé quand même. C'est hyper détaillé. T'as une bonne case dessus et tu le vois pas totalement, mais tu le vois quand même la façade principale. Tu sens que l'histoire c'est vraiment l'introduction. D'accord. Que t'as une suite. D'ailleurs, toi, tu finis l'histoire, t'as fin de l'épisode et t'as une page d'annonce pour le tome 2. Oui, bon, ça après, voilà. Mais voilà, tu sens que t'es vraiment au début de l'histoire et qu'il y a possibilité d'avoir d'autres tomes. Le whisky picote. Autant le premier ça allait, autant celui-là il. Ah ouais. On dit. C'est parce que, je crois que c'est parce que mon glaçon il est plus du tout froid. Oui. Mais du coup celui-là. Je sais plus. Il défonce. Au troisième épisode, c'est plus obligé, c'est bon. Donc du coup, pour terminer dessus, j'attends la suite. J'ai bien aimé. Soon. Soon, what you done? Ça va être un express comme dans La Voix des Bulles, hein. Enfin, le One Night Club. Oh putain! Un autre podcast qu'on cite. Donc voilà, donc, j'ai bien aimé. J'attends vraiment la suite qui va arriver. Et après, je vais m'acheter aussi du coup Les Reflets d'Acide. Oh! Peut-être pas le tome 5, parce que s'ils ressortent le tome 5 chez Delcourt, mais au moins le tome 6 pour avoir la suite. Oh, quel homme! Donc il est fini là-dessus. Voilà. Et ensuite, oui, il est 1h, allez, on va faire. Pas le temps, on va faire, allez, hop, on va faire du loufoque de David Mourier. Ah oui, la jaunie! Donc, oui, donc, c'est ce que j'expliquais. Donc, sur la couverture, donc, il y avait parti en vernis sélectif, donc sur le titre et. Et les animaux. Et les animaux. Non, juste le titre. Et en fait, ça raconte. Enfin, ça se passe dans le titre et la suite de flaque, la flaque de pétrole aussi, non? Oui, un petit peu la flaque de pétrole aussi, oui. Et c'est sur la banquise. Et la banquise, en fait, c'est au niveau du toucher, c'est granuleux. Oui. Ouais, elle est granuleuse. La couverture est blanche. Sauf que, il y a une partie qui a été au soleil. Et voilà. Et qui est un petit peu jaunie. La tranche, voilà. Il y a du vieux sperme. C'est ça. C'est un petit peu. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus un gag. Donc voilà. Donc, le fait que ça soit granuleux, pourquoi pas, mais du coup, c'est peut-être pas. C'est dommage que ça soit jaunie. La qualité. C'est ça. Et surtout rapidement, parce que c'est sorti. C'est une août, non? Ah oui. 19-5-2016. Enfin, d'après le code barre qui est derrière. Tu es au mois de mai? T'as pas l'ISBN? Si. Mais comment tu sais la date dessus? Ça y est pas sur le. Non, c'est à l'intérieur, c'est au niveau c'est du dépôt. C'est oui, après, c'est au niveau de l'imprimeur. La fin. Parce que on est au meuble. Là, ça va être la fin, oui. Sur celui-là, c'est à la fin. Avril 2016. Achevé d'imprimer et relié en France, avril 2016. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est fait en français, déjà mieux. C'est assez mieux, oui. T'as déjà c'est un bon point. Donc, du coup. Et du décès. Donc, pour expliquer un petit peu, donc, David Mourier, c'est un auteur de BD, de séries, un animateur sur No Life. Il fait plein de choses, quoi. C'est voilà. Un vrai bourreau de travail. Réalisateur, il est. Réalisateur, oui, donc ben, il fait vraiment beaucoup. Il est vraiment multitâche. Ouais. Et donc, du coup, il a sorti. Il faisait quelques dessins sur sa page Facebook de Loufoque. Et en fait, on va dire que c'est un recueil de ces dessins-là. Ouais. Donc, tout ce qui était sur Facebook est dedans, mais il y a des inédits, justement. Sinon, ça aurait aucun intérêt. Voilà, après, oui, bah après, c'est comme les notes de Boulet ou voilà, ce qui est sur les blogs BD qui ont un format papier. Donc du coup, c'est des dessins enfin c'est des histoires en un dessin. Ouais, une dessin ou une enfin une page. Ouais. T'as deux bulles maximum quoi. Voilà, c'est vraiment poser le comic en une situation. Tu vois peut-être deux trois bulles comme là on voit une étoile de mer et un anémone peut-être qui parle. L'anémone, il fait on joue au cowboy, et donc du coup, t'as l'étoile qui fait je fais le shérif, je fais le shérif, je fais le shérif. Yep. Et ensuite, t'as l'anémone qui fait on joue à la Shoah, et t'as l'étoile qui dit rien. Enfin, voilà, c'est drôle parce que ça me fait rire. Voilà, bah après. Ça manque de pyjama. C'est ça, c'est hyper visuel parce qu'il faut lire et en même temps voir le dessin. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à présenter comme ça. Mais voilà, par exemple, on va voir du coup. Le loufoque, donc qui est un animal inventé, qui est mi-loup, mi-phoque. Donc tout le devant, jusqu'on va dire la moitié du ventre, c'est du phoque. Et tout ce qui est postérieur, c'est donc, le loup. C'est un loup. Et c'est le loup. Et donc voilà, donc, à un moment, il rencontre un ornithorynque, j'avais perdu le mot. Et donc du coup, t'as loufoque qui dit, toi aussi, tes parents sont deux races différentes. Et t'as l'ornithorynque qui dit, non. Parce que l'ornithorynque, c'est un castor canard, voilà, pour faire simple. C'est un animal très bizarre. Ouais. Donc ça aborde après plein de thématiques. Les trucs en plus par rapport à la version Facebook, c'est qu'il y a des moments qui s'appellent le saviez-vous. Le saviez-tu. Avec une partie info, une partie intox. Donc l'info qui est réelle, donc qui va dire la différence entre les Inuits et les Esquimaux, etc. Ou la différence entre Arctique et Antarctique, Manchot et Pingouin, Ours polaire et Manchot, est-ce qu'ils vont pouvoir se voir ou non? Parce que en fait l'ours polaire il est au pôle Nord et que l'autre est au pôle Sud, donc du coup ils se verront jamais. Donc voilà, t'as les parties comme ça. Et ensuite, t'as la partie intox, qui là, c'est juste pour la déconne. Par exemple, là, c'est, le saviez-tu sur Eskimo et Inuit. Donc, il t'explique la différenciation entre les deux termes. Et l'intox, c'est dans les années 1990, l'Eskimo Gervais est devenu Kimcom. Cela fit suite aux demandes répétées des Inuits, lassés de se faire sucer la norac par des touristes obèses. Voilà, donc c'est. Bris de. Je suis seul. Mais non, chute. Oh! Et après, voilà, donc dans Loufoque, ça aborde plein de thématiques. Par exemple, on va avoir du gag en plusieurs bulles sur le même thème. Par exemple, là, on va avoir des chasseurs alpins, donc qui sont habillés tout de blanc dans la neige. Et en texte. Ce n'est qu'au moment de l'assaut que Jean-Paul se rappela qu'il avait toujours confondu les mots alpin et lapin. Sur le dessin, le mec est en lapin. Il est en lapin au lieu d'en chasseur en lapin. Voilà, donc ça, c'est la première image, qui était aussi du coup la première image diffusée sur Facebook. Et on va voir le deuxième gag. Donc on revoit les mêmes chasseurs alpins, sauf Jean-Paul, qui est déguisé, qui est grimé, on va dire, en prostituée. Avec le texte, ce n'est qu'au moment de l'assaut que Jean-Paul se rappela qu'il avait toujours confondu les mots alpin et tapin. Ça, après voilà, ça te dégage. Les trucs sur les pizzas, ça me fait rigoler. Oui, et puis là en plus, ça, toi, ça t'amène à un gag de répétition. Oui. Il y a plusieurs moments. Dérivé. Ouais. Voilà, on va avoir le même type de gag qui revient, mais avec une différenciation. Une lettre qui change. Voilà, ça, sur une lettre qui change ou. La même situation, mais tu vas voir la personne tout seul et ensuite tu vas voir un autre truc voilà. Derrière. C'est vraiment un tout petit dérivé, du coup ça t'amène le comique. T'as le comique de l'image en lui-même et t'as le comique de répétition qui arrive. Vu que c'est du Davy Mourier, donc t'as forcément un petit peu de dépression. Voilà. C'est très étrange. Donc là, je montre une image où on voit du coup un manchot, donc David le manchot et sa dépression. Donc un manchot et un truc violet un petit peu bizarre poilu. Et t'as David qui dit c'est là l'endroit où on s'est embrassé pour la première fois. Là, c'est un morceau de banquise où elle aimait lire un livre. Là, c'est le rocher où elle m'a quitté. Et donc ça c'est David qui parle, et t'as en texte ensuite David le manchot faisait faire le tour du propriétaire à sa dépression. Et à plusieurs fois t'as plusieurs éléments comme ça où j'essaie de retrouver vite fait justement où tu vois les deux personnes en dépression, donc tu vois les deux manchots entourés d'une dépression. Et t'en as un qui demande à l'autre tu devrais consulter pour ta dépression. Donc ouais. C'est David qui dit ça à son ancienne copine. Et elle dit honnêtement, tout va très bien, j'en ai pas besoin de ça. Alors que justement, le dessin te montre que. Que si, en fait. C'est... D'accord. Donc voilà, et ça reflète vraiment la vie, on va dire, réelle de nos jours où, bah, en fait, on fait semblant de tout. On fait semblant de ne pas avoir de problème. C'est ça. Le paraître et l'être et le paraître. Donc du coup il y a plein de petites choses, donc c'est pas vraiment prise de tête ou lecture hyper intelligente. C'est pas juste du Joshka. Voilà, ça se lit, tu prends. Non mais les récits d'Eddy sont toujours eu. Il y a toujours une certaine profondeur quand même. C'est des fois un peu cucu, un peu. Il est mieux. Ouais, tu penses que c'est cucu, mais en fait en réfléchissant. Non, à chaque fois il est. C'est un peu plus profond que ça en fait. Il a jamais caché que voilà, ce l'humour pipi de cas, ça lui plaît. Hein. Oui, déjà. Plus, oui. Mais en même temps, c'est très. Il est. Ouais. Il aime bien mettre en avant ses problèmes. Enfin, pas forcément les mettre en avant lui, ses problèmes à lui, mais il aime bien. Après, c'est peut-être aussi un moyen pour lui de justement de. Sa thérapie à lui, voilà. De faire sa thérapie. Oui. Son spectacle qui s'appelle Petite dépression entre amis pour rien. Oui, voilà, ça. Enfin, du coup, son ancien spectacle. Parce que son gros, c'est anecdote, je sais plus quoi. Je sais pas. Il a fait un spectacle qui s'appelait Dépression entre amis. Oui, c'est ça. Où justement, il expliquait, il demandait en plus aux spectateurs de venir. Ouais. Raconter pareil un truc de leur vie hyper gênant. Hyper gênant, voilà. Pour, en plus, pour montrer ce que ça fait de raconter sa vie comme ça à des inconnus. Ah oui, c'est ce qu'il fait. C'est libérateur, c'est stressant, mais c'est libérateur. Oui. Donc voilà pour le coup. Après, j'aurais pu vous parler, je vous montre du tome 4 de Miss Marvel qui est vachement bien. Donc lisez-le. Pousse avec les. Lisez-le sur 20. J'aurais pu vous parler aussi du Passeur d'âme de Golo Zao. Donc lisez-le sur. Ça, c'est 4. La balade de Yaya. Donc c'est la balade de Yaya sur Passeur d'âme. Ouais. La balade de Yaya sur 20. C'est hyper dessiné, hyper bien dessiné. Pousse en l'air au micro, ça se voit pas, mais voilà. C'est ça. Donc lisez du Golo Zao. Sur 20. Sur 20. J'aurais pu parler aussi du Donjon de Naulbuck, tome 17, qui revient sur le conseil. Chez Cartoline encore, mais ça existe encore. Oui, ça existe encore. Et à mon avis, c'est pas prêt, parce qu'il va. Le tome 18 termine le conseil de Sulac. Ouais. Et il reste encore, du coup, le dernier tome, le dernier roman qui est La Chaos sous la montagne, ouais. Apparaît en BD. D'accord, oula putain, et comme tu peux le Ah bah non, pas sur celui-là, c'est sur le tome 18. Il prépare une autre BD dans l'univers du donjon qui s'appelle les sbires ou les serviteurs du donjon. D'accord. Voilà. Bref, c'est pas fini. Donc le donjon Nullbuck, c'est bien, mais voilà, je continue parce que du coup j'ai toute la série. Mais ni plus ni moins, quoi. C'est un peu... Voilà, ça fait longtemps que j'ai décroché. D'accord. Et les dessins ont pas trop. Enfin. Ont pas trop évolué depuis le temps, quoi. Enfin, Alimentaire, c'est ton affaire. C'est la même chose. Enfin. Depuis le tome 1, tu sens que ça a évolué. Ah. Ouais. Mais depuis, toi, il y a 17 tomes, mais depuis peut-être. Tome 18. Ouais, une dizaine de tomes. Le dessin reste le même. C'est Marion Princeau qui est au dessin. Et de temps en temps, voilà, donc tu vas avoir le même style de dessin. Le collègue, il est pas bien. Et à un moment, tu vas avoir des cartons de whisky. Ah, ça, c'est un petit peu. Oh, ça pue, ça. Des petits moments, tu vas avoir des dessins complètement différents. J'ai essayé de vous trouver. Voilà, par exemple, le style va changer complètement pour vraiment être, on va dire, caricatural et simpliste pour amener un effet comique. Mais voilà, je suis plus trop dedans. Les collègues, moi je suis les gratons. J'ai défoncé les gratons. Et bah, du coup, voilà pour moi dans ma vie. Dans ta vie à toi. De ce que j'ai lu récemment. Ou dans ce ta vie, tu ne fais que lire. Ouais, j'aurais pu vous parler de Groom ou de Arg ou de. Plein d'autres trucs que je lis en ce moment. Je vais pas être bien parce que je commence à me frotter. Et quand je commence à me frotter, c'est pas bon. Et c'est bon si je suis vivant, ça. Ouais, et donc voilà pour mon dossier. Juste ami, j'ai pas vu comme musique. Ah bah non, mais j'ai rien mis parce que c'est toi qui dirige, donc... Non, maintenant nous allons passer au quiz, c'est ça, non? Oui. Au quiz de Asto 80 ou Asto tout court, ça dépend si vous aimez... Asto. Ça dépend de l'état dans lequel on est, en fait. Asto c'est tout ça. Court, mais juste mon Twitter, c'est Asto 81. Oh, mais oui, il est bien. Alors que moi, c'est Gandalf 81, Gandalf 80. Donc voilà, nous allons passer au quiz, et c'est un quiz sur... La musique japonaise. Mmh. C'est parti. Jingle. Merci, inspecteur Gadget. Excusez-moi. Oh, nouveau jingle, quoi. Jingle basé sur de la musique japonaise. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Voilà. Donc, je vous avais teasé mon quiz lors de... La musique de fin de l'épisode précédent. Oula. Avec Room Number 7 de Scandalu. Scandalu. Bien sûr, si vous ne connaissez pas le groupe Scandal, vu qu'il n'y avait pas de paroles dans la musique, vous ne pouvez pas savoir que c'était de la musique japonaise. Oh. Donc je vais contester vaguement vos connaissances en musique japonaise. Oula. Mais pas dans la merde. avec des questions plus ou moins faciles. Il y a des questions un peu pièges, voilà, faut faire durer un peu le truc. Comme d'habitude, j'ai fait un petit quiz en 10 questions. Ça va. On va pouvoir broder, parler. Ça fait 1h15 d'enregistrement, oui, donc c'est tu bon. Tu peux broder, c'est bon. On va se démerder. Vite. Donc, commençons tout de suite ce quiz par la question numéro 1. Oh, oh. T'as pas de question. Non, la question 0 vient après. Eh oui, toujours. Non, mais je fais les choses dans l'ordre. Les donc, sources. La question numéro 1, c'est la question. Rituelle cool. À laquelle vous n'allez pas échapper. Voilà. Non. C'est la question cool. D'où viens-tu? Où vas-tu? Non. C'est... ASV. Voilà. Bleu. Quoi? Celle-là, vous allez la trouver en 2-2. J'ai quand même. C'est des QCM pour la plupart. Hein. X Japan. Non. Merde. Pas loin. J'ai dit que Japan. C'était pas loin. Quel célèbre groupe japonais a le nom d'un phénomène météorologique? Oh! Est-ce qu'il oh s'agit de la pluie? Ah, l'arc-en-ciel. C'est bon, je l'ai. Oh, je ou le Mistral. Le Mistral. Arc-en-ciel. C'est quoi le nom japonais déjà? Akoru. Parce qu'il y a un raccourcissement pour l'arc-en-ciel. Ah bon? Oui. Oh. Aloku, c'est un truc comme ça. Alors. Effectivement, il s'agit de l'arc-en-ciel. Je n'ai pas encore trouvé de groupe japonais qui s'appelle le Mistral. Mistral à lui. Juste un bar de. Quoique, il y avait rentré en soi la dernière fois. Et rentré en soi, c'est quand même un peu dégueulasse. Merci, Jojo Audio. Donc, en effet, en japonais, c'est Rakuru. Rakuru, oui. Rakuru en Hieru. Donc un groupe japonais de temps à tendance visuelle Kei. La chanson de alors, GTO. Du coup, c'est quoi le visuel Kei? On va en parler plus tard. Ouh. Hey, j'ai pas fait mes questions dans l'ordre. Tu vois de ce point du doigt, mais... Tu vois de ce point du doigt parce que voilà. C'est méta. Donc un groupe qui est quand même notre âge. Oui. Mine de rien. Oui. Ah putain, ils sont vieux alors. Ouf. Ouais, 1991, ils sont un petit peu plus jeunes que nous. La chanson de GTO date. Oui. Mais voilà. Donc, bon, on va passer. Question 2. Alors, je te coupe. Je préfère ce whisky-là. Ah, tu préfères le Taketsuru. Mais le Taketsuru est très bon. Mais justement, il y a plus de goût, je trouve. Ah, mais il me tabasse, ça, celui-là. Ça, je dis pas le contraire. Mais. Le Black Mountain est très jeune. C'est peut-être ça, ouais. Alors que là, le goût, il est. Ah, moi j'adore celui-là, il est vraiment super bon. Alors, c'est-à-dire, je suis déjà pas bien alors. Question numéro 2. Un célèbre groupe d'idoles. D'idolu. Les Moumoussou. Voilà, les Moumoussou. Les Morning Musume, les AKB. 48. Morning Musume. Donc Morning Musume, le groupe de J-pop du Hello Project. Hello Project. Hop là, je suis allé un peu trop vite. Dans liens. Tu ménages les questions, c'est pas grave. Non, c'est bon. Donc composé de nombre de jeunes filles incalculables. Toutes pucelles. Enfin non, bon. Techniquement, le groupe a un nombre défini. Mais c'est les personnes autour qui rentrent ou qui sortent. C'est ça. Qui rentrent et qui sortent. Pourtant, c'est des pucelles. Non. Alors, les Morning Musume. Oui. Ça date de quelle année? Oh, les Morning Musume, ça date, c'est 91, non? Est-ce que ça date de 1997, ouais. 1999 ou 2001? 98. Non, 99. J'ai dit 97, 99 ou 2001. Ça me rappelle un quiz que j'ai fait où c'était plus ou moins et en fait ils disaient un autre truc. Égal. 99. Non, 99, non. Eh bien, j'ai été très surpris de savoir que les Morning Musume dataient de 1997. Ouh. La première promotion. La première promotion. Ouais, c'est parce qu'il y a des promotions chaque année, en gros. Voilà. Enfin, je sais pas s'ils appellent ça vraiment des promotions. Bref, les vieilles, on les remplace, quoi. C'est un peu ça. Donc, les Morning Musume ou Momusu. Tu veux dire que. Tu veux dire que quand elle commence à avoir le dindon au niveau du. Place, vite, vite, enchaîne. Donc, de la J-pop, groupe d'idoles. Voilà. Oh, donc, c'est bizarre. Des idoles, c'est des groupes composés d'une multitude de jeunes filles. Voilà. Plus ou moins en fleurs. Pour ceux qui ne savent pas et qui veulent recentrer un petit peu, pour nous, ça serait les To Be Free, les Words Apart, les. Mais ça, des jeunes qui meurent au bout d'un moment. C'est vrai qu'ils sont tous morts entre To Be Free, What's Apart, les To Be Free, ceux qui sont pas morts, ils font du porno. J'allais dire en plus. Les Scope 7 en Angleterre, qui ont fait une série après. Enfin voilà, pour situer un petit peu, c'est les groupes qu'on fait et qu'on essaie de produire derrière. Mais c'est encore plus. Disons que c'est des groupes encore plus gros. C'est-à-dire que nous, c'était plus des boys bands où ils étaient 4-5. C'est ça, les boys bands. Là, on est sur du groupe d'idol où on est sur une dizaine de personnes. Oui, on fait de la J-pop avec des trucs très colorés, très pop. Enfin, après, justement, les systèmes d'idol, c'est très japonais, quoi. Ah oui, c'est très. Enfin, nous, on peut faire des comparaisons, mais ça s'arrête vraiment aux comparaisons. Nous, ça va être des boys bands, nous, les boys girls. Déjà, même pour expliquer en Corée, c'est la pas des boys girls, des girl bands. Mais ça s'arrête là, en fait. C'est pas au même niveau. Déjà, l'exportation en Corée est compliquée, donc. Ah, c'est ça. Donc Morning Musume, AKB 48, SNK 48, enfin le. Ouais, mais AKB 48, il y a la team A, la team K, la team B. La team oui, dans chaque groupe, parce que du coup, les AKB 48, ils sont 48, mais par, on va dire. En tout. Dans le groupe. Voilà, mais par région. Donc AKB, c'est pour Akihabara. Akihabara. SNK, c'est pour une ville dans le sud, ou je sais plus quoi, mais c'est vraiment localisé. Et mais à chaque fois il y a des teams et ils votent, enfin du coup c'est dans le système d'idol, ils votent pour leur chanteuse du groupe pour la mettre en avant. Mais tu votes en achetant des singles. Et tu votes en. Ouais, il y a plein d'events. Misaki de Yata, de KB48. Et du groupe du podcast 48. Ouais, qui parle de ça. Un système très. J'aime pas de mots. Enfin, ouais. Les japonais. Après, voilà, c'est dans leur culture, ouais, ça fonctionne comme ça. Mais la même. Apparemment, ça marche, donc pourquoi ne pas ça. Ne pas, hein, hein. Voilà. Alors, question numéro 3. Ça va très vite. Alors, groupe de métal japonais. Baby Metal. Fondé par Yoshiki Hayashi. Ah, X-Japan. Et Toshimitsu Deyamaen. Oh, c'est X-Japan. En 1982, influencé par les styles glam et heavy metal précurseurs de Visual Kei, groupe ayant stoppé son activité pendant 10 ans entre 1997 et 2007. Bah, c'est groupe ça, c'est mythique de la scène japonaise dont le nom est composé d'une lettre et d'un pays. Je suis X-Japan. X-Japan. En même temps, t'as dit Yoshiki. Le nombre de fois où j'ai entendu sur No Life X-Japan. Ouais. Enfin, X avec tes bras. X, exactement. C'est pas très sonore. Donc X Japan, je vous invite à lire l'histoire de ce groupe qui est rocambolesque au possible. Le guitariste qui est mort d'un accident de la route. Il y en a deux qui se sont pendus. Il y en a un qui était qui s'est fait piéger dans une secte, un truc pas possible. Ah oui. Où il, tout le fric qu'il gagnait, il le filait au gourou de la secte. Il vivait avec 5 euros par jour. Enfin, mais ils ont une histoire de fou furieux, elle, avec Japan, waouh! Ouais, puis l'autre il était mort d'un accident de la route, c'était déjà très tragique. Il y en a un qui s'est pendu, il y en a un qui est décédé suite à sa tentative de pendaison. sa tentative de suicide. C'est assez ouf. Le Japon. Voilà. Mais c'est, voilà, c'est le. X, le Japon! Un groupe absolument mythique. Hein. Et vous l'avez forcément entendu si vous avez regardé le saut 8 ou saut 7. Non, saut 7. Il n'y en a que 7. Il n'y en a que 7. Donc ça va être le dernier ou l'avant-dernier. Ils ont fait justement la musique du film. Oui, je crois. D'accord. Oui, c'est vrai. Si vous avez regardé nos lives, ils ont passé X mille fois Jado. Oui. Ils ont passé X le fois X Japan. C'est sur le toit, non? Oui, ils sont sur le toit. En fait, c'est un peu comme YouTube, mais pas pareil. C'est le YouTube japonais en fait, Japan, si c'est qu'il y a ce Edge. Il y a The Edge à la guitare. Il y a cet homme partout. Et Yamono. Yamono qui passe sur scène. Ils sont à Las Vegas. Allez, continue. Question numéro 4. Oh putain. Il en reste 6. Il en reste 6. Oh putain. Mais là, on arrive sur les questions un peu plus. Ah merde. Bon, il y en a encore des faciles. Alors, à quel groupe doit-on des musiques pour les animés Log Horizon? Je ne sais pas ce que c'est. Seven Deadly Sins. Ah oh, putain. Et Mobile Suit Gundam Iron Blood Orphan. Tout ce que tu as dit, je ne connais pas. Pourtant, je suis fan de Gundam. Gundam Ibo. La dernière série Gundam. Je n'ai pas regardé. Seven Deadly Sins. Tu connais au moins le manga. Oui, ça je connais, mais voilà. Log Horizon, je connais aussi. Est-ce qu'il s'agit de Flow? Oui. Est-ce qu'il s'agit de One Ok Rock ou est-ce qu'il s'agit de Man With A Mission? One Ok Rock, non? Man With A Mission. One Ok Rock, moi je dirais. Il s'agit de Man With A Mission. Ah bon? Ah oui. Ils ont fait des ties up? Ah, je savais pas. Je pense que c'est Batuk qui l'a fait. Ils ont fait la musique de. Alors je crois que c'est la. Oui, c'est celle de Gundam Iron Blood Orphan qui est extrêmement connue. Raise Your Flag. Ah mais oui, ça y est. Raise Your Flag. Une des dernières qu'ils ont sorti, qui est extrêmement populaire et qui reste en tête pendant 1000 ans, c'est la musique, c'est l'opening de Gundam Ibo. Et pas Gundam Ibo. Gundam Ibo, non, c'est Iron Blooded Orphan. Bibo. Donc les orphelins. Je sais pas. Les orphelins du Blood. Bref. Voilà, donc. Voilà. Ensemble hanté. De la colonne. One Ok Rock, groupe de rock japonais ultra connu également, mais Flo, ouais. Pareil. Un peu plus récent comme groupe. Hein. Oui. Mais qui monte aussi. Ça monte. J'aime quand ça monte. Et ça descend. Oh. C'est l'ascenseur de la bourse. L'ascenseur de la bourse. Alors, si je vous dis. Kachi Yuka, Achan et Nochi. Vous me dites quel groupe? Bah, Perfume. Est-ce qu'il s'agit de Perfume? Est-ce qu'il s'agit des Baby Metal? Non, ils sont pas trois. Ou est-ce qu'il s'agit. Tu es Baby Metal. Ah, si, ils sont trois. Ils sont trois. Ah, oui, ils sont trois, les Baby Metal. Ou est-ce qu'il s'agit des Momohiro Clover Z? Non, les Momohiro Clover Z sont quatre maintenant. Oui, elles sont 4. Ouais. Donc tu as éliminé une des réponses. Ouais, déjà. Est-ce que c'est... Parce qu'en fait, elles étaient 5 et une qui a disparu dans le... En fait, elle a voulu se faire niquer, je pense, à force. Elle n'en pouvait plus. Et forcément, quand tu es plus vierge, tu peux plus être idole. Ce qui compte qu'à 27 ans, ça fait un peu beaucoup quand même. Enfin bon, c'est très japonais, on juge non, pas. Si c'était Parfum, Gandalf, il aurait réagi. Non, je sais pas, franchement, je connais pas les noms de ça en plus. Moi, je connais les chansons déjà. Déjà, t'as du mal à être sur iTunes les chansons, alors. Donc, allez, moi je vais dire les Baby Metal. J'irai Parfum. Et c'est les Parfum, effectivement. C'est leur pseudonyme. Hey, je savais pas ce que tu voulais faire. On s'est fait un check, claquement et point ensuite. Mais ouais. Du coup, je... Bref. Donc, elle s'appelle Ayano Otome, Yuka Kashino et Ayaka Nishiwaki. De Hiroshima. Voilà. Enfin, de la, donc, Perfume, de la school, le groupe de l'amour. Nakatawa, Yasutaka. Le groupe d'électropop japonaise Girls Band. JPN d'amour. Voilà, JPN d'amour, Girls Band d'électropop japonaise. Visuel aussi. Avec des clips de ouf. Toujours excellent alors. Et des cuissons de ouf. Tout. C'est sexiste, j'aurais dit quand même. Là on arrive sur. On est des blancs, cis, hétéros. Une série de questions peut-être un petit peu plus facile. Ouais. Ah. Je pense que vous allez trouver rapidement. Alors si je vous dis. Hop là, si je vous dis Meiko, si je vous dis Kaito et si je vous dis Len, vous me dites quoi ? Je connais pas. Vas-y. Qui sont Meiko, Kaito et Len ? Des membres d'un groupe. Y'a pas d'aide ? Ah, j'ai pas d'aide là. Je peux pas vous dire. Alors je vais essayer de vous dire d'autres trucs. Attends. Hop là. Alors je peux vous dire Léon. Je peux vous dire Lola. Je peux vous dire Myriam. Putain, mais oui. Je peux vous dire Rin. Je peux vous dire Luca. T'es sûr que c'est simple, ça? Je peux vous dire oh, putain. Lily. Ah, putain, mais oui. Ah, mais oui. Non, je trouverai pas. Je trouverai pas. Je peux vous dire Gumi. Je peux vous dire Miku. Ah mais c'est des vocaloïdes. Exactement. Ah. Ah ouais. Ah mais oui. Mais oui. Meiko et Kaito, donc les premiers, les premiers vocaloïdes de la licence vocaloïde de Sega. Ouais. D'accord. Et Len, donc le garçon. Lynn et Len, donc les frères et la sœur. Les deux blondinés. Alors du coup, pour expliquer Vocaloid. Alors Vocaloid, pour tous les autres que je vais citer après, c'était pas forcément des Vocaloid, c'était des chanteurs virtuels. Donc Vocaloid, c'est... Alors Vocaloid en lui-même, c'est un logiciel. Voilà. D'une licence de Sega, de création de voix synthétiques, voix virtuelles. Ouais, pour la musique. Voilà, pour créer des musiques. Il y a beaucoup de... Enfin, après, il y a des compositeurs qui se sont servis de ces voix pour voilà, parce que créer des morceaux. T'es pas libre de droit, mais t'es quand même assez... Voilà. Donc, Samfri, Dekonina... Dekonina Richard. Dekonina. Je sais pas qui te citer d'autres. Il y en a, hein. Enfin, on ne le connaît pas tous, mais... Gumi. Alors, Gumi, c'est pas une vocaloïde, du coup, c'est un Mekoid. Ouais, c'est encore un truc un peu différent. C'est un autre logiciel, du coup. Mais elle est souvent associée au Vocaloid parce qu'il y a beaucoup de projets en collaboration, ouais, en fait. Ouais, de ponts entre les deux. Voilà, beaucoup de ponts entre les deux. Il y a beaucoup de chansons qui utilisent à la fois des Vocaloid et des featuring. Avec Gumi. Avec Gumi. Donc là, on est dans des styles divers et variés, souvent électro-pop quand même. Quand même, oui. Ça s'y prête très bien. Ça s'y prête très facilement. Et c'est très très bien. Oui. Alors... Question suivante. Fan d'anime, de manga et de Vocaloid, je suis né en 1993 à Tokyo. Mon pseudonyme commence par Caroline Charnplop. J'ai écrit une autobiographie où je parle de mes querelles avec mes parents. Amie des Perfumes, je suis blogueuse, chanteuse et mannequin Harajuku Kawaii. Je me suis fait connaître en Occident suite au succès de mon titre Pom Pom Pom. Ah bah... Je suis Kali Pembeyu. Je savais directement dès que tu as dit qu'elle s'appelait Kali. Parce que c'est... En fait, le surnom Kali venait de ses... De ses amis. De ses amis qui n'arrivaient pas à le dire. Parce que les Japonais et l'anglais, en fait, C'est deux trucs très différents. Avant c'était Kari, voilà, mais en version occidentale, ouais. Et elle l'a transformé en Kiari. Parce que les Japonais n'arrivent pas à dire. Pas, oui. Voilà. Et pas Kari, la voiture qui écrase les jambes. Non, j'ai... qui prend possession du gars qui l'a acheté et qui écrase les jambes. Et donc j'ai découvert. John Carpenter, forever. Qu'elle avait pour pseudonyme Caroline Sharon Plop. Sharon Plop. Sharon Plop. Ça fait moi rêver. Ce qui me faisait très marrer. Donc c'était Caroline Sharon Plop, Kari, Pamiu, Pamiu. Kari, Pamiu, Pamiu, Death. Et donc j'ai aussi découvert qu'elle avait écrit une autobiographie où elle parlait de ses querelles avec ses parents. Donc j'ai pas mis la suite de la phrase puisqu'elle parlait de ses querelles avec ses enfants à cause de son style vestimentaire. Ah, oui. Le style Harajuku. Voilà, ça plaisait pas trop. Lollipop sucré. Hein enfin du coup lollipop quoi. Oui, du lollipop kawaii. Oui. Kawaii qui veut dire mignon. Son compte ses parents. Donc bon, qui arrive pas mieux pas mieux. Vous devez connaître qui arrive Pomiu Pomiu. Pom pom pom. Sûrement tombé sur pom pom pom. Non, mais on l'a mis en musique à un moment donné. Je sais pas. Tu vois. Oui. Oh, au pire dans un. Ah, mais oui, on l'avait mis pour le. Quoi qu'il se passe, donc spécial, spécial oui, quand... où j'avais tout fait. Quand t'as... Oui, donc le deuxième, quoi qu'il se passe en fait. Ouais. J'avais fait la guerre du Vietnam, la guerre de Corée. Sur le quoi qu'il se passe. Bah, oui. Non, Mais si, que j'avais fait le concert à Paris. Oui, le concert à Paris, oui, mmh. Avec la sortie Alex Ross et Malexpo, ouais. Alex Ross et. Et l'expo, l'expo super héros, oui. Ouais. Donc voilà, donc ami des perfumes dû au. Dia Takayasutaka. Au monsieur producteur et réalisateur. Ma tête. Qui s'occupe. C'est le monsieur qui s'occupe. Il s'occupe des perfumes. C'est monsieur parfum quoi. Voilà. Tu veux dire qu'il s'en occupe et de plein d'autres gens aussi. Bon oh, mais dis donc, il a une sacrée libido. Mais dis donc. Hop. Alors question suivante. À qui doit-on les titres? Samurai Beat, Remember the Beat, Happy Heart Beat et Kokoro Beat. Beat. Est-ce que c'est un groupe, il y a Beat dedans? Non, pas du tout. Ça me dit vaguement quelque chose, mais. J'ai pris tous les morceaux, en fait, j'ai pris tous ces morceaux qui finissaient par Beat. Samurai Beat, Kokoro Beat, Remember the Beat. Je pense que quand tu diras le nom, je dirais oui, mais c'est Happy non. Heart Beat. Capsule. Non. Non, j'irai pas moi. Alors on est sur de l'électro. Une capsule, oui. Non, je vois pas moi. On est sur de l'électro chiptune. Iggy Driver. Iggy Driver. Iggy Driver. Exactement. C'est con parce que tout à l'heure j'avais en tête le. C'est le bonhomme qui court. Le bonhomme qui court. Le Ikigo, exactement. Donc voilà, bah, je pensais que quand même avec Kokoro Beat ou Samurai Beat, vous trouveriez peut-être. Non, je suis pas trop pâché dessus. Alors, tu sais, c'est très difficile de trouver des informations sur Iggy Driver. Voilà, c'est ça le problème en fait. La J-Music, j'écoutais quand je regardais No Life, et ça fait très longtemps que j'ai pas regardé No Life. Donc Iggy Driver, compositeur chiptune. Voilà. Oui, surtout. Vous le connaissez si vous regardez No Life, puisque c'est lui qui a fait le générique de Toko Toko. Toko Toko. Il n'a pas été justement interviewé aussi dans Toko Toko. Si, il a fait un Toko Toko. Ouais. Tokar Tokar. Non, Toko Toko, c'est les bruits de pas. J'ai découvert qu'il avait fait un album où il a remixé des chansons de Miku. Oh, tu m'intrigues là. Oh là, tu me sauces là. Et je crois qu'il a fait des compositions aussi pour Valkyrie Drive. Et d'autres trucs. Tu déconnes. Si, si. Il allait se tordre dans ce genre de truc. Ouais, il a fait du truc pour du jeu Valkyrie Drive. Oh putain. Oh là là, oh le malaise est vagal. Alors, question numéro 9. Là, on arrive dans les questions. Le haut du chapeau, le haut du panier. Du coup, les deux dernières questions high level. Ouais, parce qu'il faut faire durer un peu. Alors, lequel de ces groupes n'a pas fait Danny Song? Fait Metal Alchemist Brotherhood. Vas-y. Est-ce qu'il s'agit de... Je suis prêt. Scandal. Mm-hmm. Yui. Mm-hmm. Ou Asian Kung Fu Generation. Asian Kung Fu Generation, ils en ont fait un, je crois. Non, moi je dirais Asian. Bah, à chaque fois, ils en ont fait. Pour les deux séries, je crois qu'ils en ont fait un. Parce que Yui, il l'a fait pour Brotherhood. Ouais. Et Scandal aussi, il me semble. C'est pas, tu vois, je me pose la question. Non, je dirais Asian Kung Fu Generation. Moi, je dirais Scandal. Je dis Scandal. c'était une question piège. Les trois ont fait tous. Puisque c'est effectivement un scandale. C'était effectivement Asian Kung Fu Generation, pardon. Ah ouais ? Asian Kung Fu Generation a fait rewrite. Oui, ça oui. Pour Full Metal Alchemist. Normal, oui, mais je pensais qu'ils avaient fait pour mais Brotherhood. Mais pas pour Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, ils ont rien fait pour Brotherhood. Et Scandal a fait le quatrième ending. C'est pour ça que dans ma question, je parlais d'Anisong et pas d'opening. Ah, ils ont fait le quatrième ending. D'accord. De Full Metal Alchemist Brotherhood. Hé, hey, il y a les icônes qui passent sur nos lives. Mais je me suis fait niquer comme une des pucelles, nom de Dieu. Je vais faire un petit piège. Un petit piège. Parce qu'effectivement... Bien joué. Les Asian Kung Fu avaient fait l'opening rewrite pour le. Enfin, ils avaient utilisé rewrite pour un opening de la première série animée, mais pas la deuxième. Donc, bon. Emilou. Mais si, d'accord, maintenant que vous le fredonnez, nanana, tu vois la. Oui, je l'ai. Comment j'ai pas pleuré sur cette chanson à force. Donc Asian Kung Fu Generation, bon. J'y vais en vrai, monsieur. Groupe de rock japonais. Très connu. Oui, très connu. On a toujours l'impression que le chanteur est un peu blasé. Et que le chanteur a 12 ans, mais en fait, il a. Ben, comme, ça va être comme l'arc-en-ciel, il a légèrement plus une, dans 5 ans de plus, je crois. Je sais pas quel âge. Ah, ben ils ont une sacrée carrière. Ils ont fait 20 ans, 1996, donc ça fait, oui, 20 ans. Ouais, ils ont fêté 20 ans. Ça fait 20 ans, ouais. Donc rock pop. Ouais. Ils définissent comme rock pop. Pop rock, ils pourraient passer sur RTL 2. Mais ils passent pas sur RTL 2. Parce qu'il y a Phil Collins. Non, il y a YouTube. Il y a déjà YouTube. Il y a YouTube déjà. Déjà YouTube qui prend à peu près 75% de la prog. Ah ouais. Et Phil Collins prend le reste. Une Genesis, ça dépend. Donc, question number 10. Alors là, c'est la question. Piège à laquelle vous n'allez pas échapper ? Non, c'est pas une question piège, c'est une question extrêmement difficile. Vas-y, my body is ready. Vous regardez nos lives. Oui. Vous connaissez un certain monsieur qui s'appelle Alex Pido. Oui. Oui. Pour quel groupe, chut, Alex Pido a-t-il réalisé des clips? Tu le sais. Sais. Ah, tu le sais, merde. Est-ce bah, qu'il oui. S'agit... Bah oui. Ah, oui. Non, je sais aussi. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'Urban Guard? Est-ce qu'il s'agit d'Oral Vampire? Est-ce qu'il s'agit de Love Rin Tambourine? En fait, Oral Vampire! Le clip avec la chauve-souris et le clip avec un des tout premiers clips, je crois, avec. Non, je crois que c'est ça. C'est pas l'un des tout premiers, c'est les deux premiers clips d'Oral Vampire qu'il a réalisé, tout simplement. Alors, en fait, je voulais faire un jeu de mots, je voulais dire Adult Vampire. Alors, il faudrait retrouver ça. C'est avec la chauve-souris. Donc, c'est Freeze. Donc, Freeze! Et Hot Blood Workout. En fait, tu passais nous piéger, mais en fait, on le savait. C'est ça, tu passais vous piéger de ouf. Et non. Je suis déçu. En fait, tu nous as plus couillé avec les questions. En fait, c'était la plus facile. Merde. Moi, c'est pareil. T'as dit Alex Pilot a fait des clips. Je pensais vous piéger éventuellement avec Love Rin Tambourine ou. Avec. L'amour du tambourine. Et avec une Urban Guard. Ouais. Je pensais vous piéger avec, ces deux, avec les deux autres groupes. Urban Guard. Ils sont toujours en vie, Urban Guard ou... Je sais pas. Non, c'est pas en pause, hein, non. Et c'est juste que je pense que c'est pas. Chose, hein. Je sais que la dernière fois que. Bah, quand au t'étais là, au, non, à Japan Expo. Ouais. Donc la dernière fois que je suis venu à Japan Expo, j'étais dans la file. Ouais. Et eux, ils étaient à l'extérieur de la file à prendre en photo la file. Donc je fais. Ça me regarde. Les gens, ils devaient être là. Mais les Japonais ressemblent tous. Hein. Et donc Oral Vampire, donc un groupe très très bizarre. Mais très très bien quand même. Donc genre musical défini en dark wave électro-industriel. C'est ça. Non, wave, la wave. Et donc c'est électro, je sais plus quoi, et Chica et Vampire Chica. Enfin t'as le mec. Oui, Exo Chica. Exo Chica. Donc et Raven Man. Et petite anecdote, j'avais vu un, je crois que c'était un big. Bug Hunter sur Oral Vampire, je crois, ou je sais plus où est-ce qu'il disait. Et le. Donc. Merde, le mec, ouais. Je me rappelle plus de nom. Raven Man. C'est lui qui crée la musique. Et ouais. Electro Chica parle juste. Enfin, chante. Le texte. Ouais. Et en fait, lorsqu'il compose, ouais. Il passe par du Vocaloid. Et ensuite, Electro Chica entend et pose sa voix dessus. D'accord. Hey, t'as vu on apprend des trucs dans cette émission. Des trucs que personne, tout le monde s'en fout. Parce qu'on sait ce que c'est. Maintenant, la J musique. Fuck avec l'audio. Et donc ils ont ils sont fait connaître en France avec les soirées Tokyo Décadence, c'est là où ils ont plus ou moins rencontré No Life et Alex Pido qui leur a réalisé leur tout premier clip. Et du coup à cette époque-là, ça devait être Katia. Déjà. Non mais ça devait être avant No Life, c'est la société de production je sais plus quoi, Pocket. Oui. Alors c'était en 2007. En 2007. Oui, j'ai mis Pocket, non, je sais pas quoi. Oui, on plus verra. Eh bien, vous êtes allé beaucoup trop vite pour trouver mes réponses. Ouais. Ah, en même temps, on est à 1h40, donc... Ah, ça fait quand même une petite demi-heure. Donc... Voilà. Ça va. Mais on en demandait pas plus, hein. Voilà. Une bonne demi-heure, des fois, ça suffit hein, pour se faire plaisir. On veut pas savoir. On veut pas savoir. Ce qui reste à Podrenne, se passera à Podrenne. Ouais, je... Mais heureusement que je ne viens pas. Attention. Attention quoi? Je mets l'écouteur pour écouter le jingle. Ah, le jingle 2. Le jingle 2 fin. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Si tu me dis rien, moi, et je fais rien. Chante. Parce que nous sommes un podcast, mais un podcast qui n'a pas pod ni cast. En soi. Mais nous sommes un podcast où nous buvons. Nous sommes un podcast où nous faisons des dossiers. C'est un podcast où nous faisons des quiz. Et nous sommes un podcast où nous faisons... Où nous mettons des musiques à la fin et nous n'avons pas le droit de les mettre. Parce que on est comme ça, on est des malandrins. On est des FDP, on est des privilégiés. On est des cis dans l'hétéro. Donc du coup, la musique... c'est... Il a oublié. Ouais. Non. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je sais plus qu'est-ce que c'est le nom et qu'est-ce que c'est le titre du groupe. C'est J'habite pas à New York et c'est Demain les poulpes. C'est ça. Ouais. Donc et c'est maintenant et c'est tout de suite. Oui. Et donc on vous dit, on vous souhaite un bon mois de novembre, bon Thanksgiving pour ceux qui le fêtent. Oui. Voilà. Et maintenant on va vous souhaiter de à l'année prochaine pour bonne fête de mois Noël. Prochain, hein. Ouais. Non, le mois prochain. Préparez-vous bien pour la Noël. Oui. Tadou. Salut. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite plus de village. Dans mon village, il y a toujours des pauvres qui gagnent leur pain, assis derrière des comptoirs en moquette. Les nuits de folie rustique de leur dancing sont aussi fortes que la soupe qui mijote sur leur platine. Mais bon Dieu, Raymond, mets-nous plutôt du groupe. Assez de médias. De la pire. Ah, sacré DJ, pendant que ce bol de fond qu'elle laisse tomber ta tenue variette exigée. Ici, si tu veux se mettre un fait, c'est sur des vues de cipé, mais surtout, tu ramènes pas en basket, sinon tu te fais jeter un palombaire de l'entrée. Ici, on se meurt, faut mocassin. Discothèque de campagne, centre commerciaux, galerie marchande, bowling, battle. Si tu veux draguer des cadiches en escarpins, c'est là qu'il faut aller t'aider. Remarque, ils sont jamais trop durs à gruger. Une perruque blonde, des Ray-Ban, beauf, un blouson clouté. Et t'es une star, what pays. Mais d'où viens-tu, Johnny? J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite. À combien de tours? Je peux plus faire un pas sans rencontrer un 4x4. Et son super pilote garantit pure bon. Parce que t'as l'air con dans ton tank, merde. Bientôt on sera écrasé comme un pari Dakar. Le samedi soir, tous les VRP se prennent une cuite. Leur GTI vont encore déraper sur les parkings. Un petit coup de frime, c'est jamais de trop. Pour emballer la secrétaire qui sent bon le vin. Téléphone sans fil, arrête ta frime. J'ai pas besoin de tous ces chevaux pour tomber les filles. Non et non, je ne me tairai pas. Tant qu'il y aura des bourses, je n'y manquerai pas. Trop de bouffe, trop de blaireaux. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans mon slip. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. J'habite pas à New York, moi. J'habite dans un village. T'es pas belle, tu n'es pas beau. Non. T'es pas belle, tu n'es pas beau. Non. Tu n'es pas grave, contre le toit, tu n'es pas seul.